terminer le Before Party Fun à 20h, tous les soirs 19h-20h, ici ça mixe en direct, pas de blabla. On reviendra demain 19h avec encore plus de nouveautés, des tubes et des remixes exclusifs. Adrien Thomas, ce soir tu vas revenir à minuit pour Party Fun. Tout à l'heure à minuit avec le titre de Martin Garrix qui s'appelle Oups, il a sorti en free download, en téléchargement gratuit pour l'E3 qui est le plus gros salon des jeux vidéo au monde. Tout à l'heure je vous le jouerai le morceau si vous connaissez pas, restez là. Soyez là à minuit tout à l'heure. Et avant minuit, il y a Marion et Anne Solonaïchou à 22h, à 20h le Doc et Karel avec Levin Fun. Bien sûr, au taquet, avant 20h, t'as vu, il rentre avant 20h aujourd'hui. Putain, c'est incroyable, sans déconner. Ça va, vous allez bien? C'est un jour à marqué d'une pierre blanche. Depuis quand on rend pas à l'heure? Non, bah, tous les soirs. Il faut expliquer aux auditeurs. 2 minutes de retard en général. Il faut expliquer aux auditeurs qu'on aime bien mixer souvent jusqu'à 20h et 1 minute. 20h et 2 minutes parfois, pas plus. On a remarqué, oui. Et là, il est 20h00, c'est le début de Love in Fun. Bravo! On peut les applaudir. Bravo. Merci. Et on leur a pas mis la pression, hein. Non, bien sûr. On n'est pas comme ça. Un jour, on va les foutre dans la merde, on va leur rendre à moins 5. Ouais, mais bientôt, on va foutre. On est au taquet depuis un quart d'heure, là. On va foutre le bordel dans vos émissions, là, bientôt à Ibiza. On aura l'occasion d'en reparler. Bonne émission! Salut les gars! Ciao! Fun Radio. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. J'espère que vous allez bien. Oh putain, je stresse. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, demain, j'ai la philo. Tu parles que dalle. Demain, je passe mon bac. Autant que la philo, t'as oublié, autant que t'as oublié la philo. J'avais eu 6 en philo. On va détendre tout le monde. 6 sur 20, bien sûr. Ah bah oui, c'était sur 20. T'es une bille alors? Ah bah en philo, ouais. Un peu. Ouais, carrément. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Et du coup, j'avais passé le rattrapage, j'avais eu 10. J'avais réussi à avoir mon bac. Ouais, c'était une femme ou un homme? C'était une femme. Ah, ça m'étonne pas. Ah bah ouais, ça tchatchait grave. J'espère que vous allez bien. On a forcément une pensée pour vous, hein, puisque c'est demain le début des épreuves du bac. Ça a même commencé aujourd'hui pour certains bacs. Merci en tout cas d'être avec nous. On va se détendre toute la soirée sur Fun Radio. Vous allez pouvoir parler de ce que vous voulez dans Love in Fun au 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous ce soir. Salut, salut à toutes et à tous. Plus beau que jamais, hein Alice. Hein, t'as remarqué, bah, franchement, depuis un certain temps, c'est vrai qu'il sait se mettre en valeur. Depuis Katoche. Elle te réussit cette femme, hein, vraiment. Tout à fait, je confirme. Ah putain, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Ah, Kassim, que du bonheur. Oui. Kassim à l'arrière. Ouais. Tu vois par exemple, Kassim, à côté de toi, c'est un vrai déchet. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais ça compense. C'est ça. Sans que le mec est en galère. Tu brilles, Doc, tu brilles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Kassim est en galère en ce moment. Ouais. Non, c'est vrai. C'est elle qui est tous les soirs magnifique. Oh. Bien sûr, ça c'est, va pas être moi, c'est ça. On ne sait pas. On sait pas où elle en est côté cœur, si c'est toujours le beau temps. Pourquoi? Mais oui. Je sais pas, parce que l'autre jour il y a un petit truc, je sais pas. Quoi? Il y a un petit truc. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas balancer encore comme connerie? Ça faisait longtemps. Papa, maman, rassurez-vous, je vais bien. Qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. Oh arrête. Mais non, bien sûr que non. En plus avec les sextoys Lilo, j'appelle pas ça une relation sexuelle. Ah bah écoute, ça y ressemble en tout cas. On s'amuse comme on peut, qu'on s'amuse comme on peut. Ryan et Cécile au standard qui vous attendent tous les soirs au 01 42 48. De 5000. D'ailleurs, ils vont tout de suite nous passer Guillaume qui est avec nous dans le galère, fun. Salut Guillaume. Salut Karel, salut le Doc, salut tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas croire qu'il nous appelle pour ça. Dis-moi, dis-nous pourquoi tu nous appelles. T'as 18 ans, t'es à Lyon. Ouais, en gros, je vous appelle parce que là, je suis vraiment en mode grosse galère. Demain, je passe le bac. Et en préparant mes affaires cet après-midi, j'ai pas ma convoc. D'accord. Reste cool. D'abord, tu vas avec ta carte d'identité parce que là. Globalement, ils risquent de t'accepter parce que là, c'est trop tard pour demander un duplicata, il faut 8 jours. C'est quand même l'éducation nationale, ça ne va pas plus vite. Ah ouais, en plus, ils l'envoient par la poste parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient peut-être l'envoyer par mail. Mais ça, c'est pas grave. Bah oui, ils sont pas ça encore, dénonce. Ils sont pas équipés. Mais sérieux, c'est des nazes. Oui, un peu. Guillaume. Ouais. T'as oublié une chose. Est-ce que t'as vraiment regardé partout? Parce que tu sais ce qui se passe, moi qui passais beaucoup d'examens souvent. Ouais. On oublie, mais on met ça dans un livre, par hasard, tu sais. Et dans un livre? Ben oui. Faut regarder. J'ai vraiment tout fouillé, j'ai regardé dans tous mes cahiers, j'ai fait tous les pages. Sous la PS4. Regarde sous la PS4. Ouais. Guillaume, il suffit juste d'avoir une pièce d'identité. T'as demandé à ta mère si elle l'avait pas planqué? Ah non, oui, mais j'ai fait le tour de l'appart. Mais sur la convoc, il y avait écrit comme quoi il fallait impérativement la convoc et la pièce d'identité. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà eu des galères, des loups au bac. Allez-y, là, 01 42 48 5000. Une pièce d'identité suffit, je dis peut-être une connerie, mais ça va passer. Tu sais où c'est au moins? Bah oui, mais le problème, c'est que c'est même pas dans mon lycée, quoi, en plus. Donc, je connais personne, quoi. Comment? Est-ce que tu connais l'adresse et la salle? Ah oui, oui, c'est enfin, je sais où est le lycée, mais du coup, je connais pas la salle. Bah, Ouais, mais ouais. Ça, c'est stressant. Hein. Tu passes le bac, déjà, t'es stressé. En plus, petit détail, regarde encore une fois dans tes affaires. Je te le dis comme ça. Ouais, mais c'est ce que je fais. Ça fait une heure que j'ai tout tourné. Parfois, tu vas un peu vite. On a Olivier. On fait calmement, ça, on retrouve en général. On a Olivier, là, 19 ans de Dax. On se mobilise ce soir pour Guillaume, qui veut passer son bac. Bonsoir, Olivier. Salut, Olivier. Bonsoir. Salut Olivier, tu viens d'entendre Guillaume, est-ce qu'il t'est arrivé la même chose toi ? Alors oui, moi perso c'était pas la convocation, c'était ma carte d'identité à un titre professionnel. Oui. Donc j'avais la convocation. Oui. Et comme j'avais pas la carte d'identité et que le jury ne me connaissait pas, ben, j'ai dû repasser le titre plus tard. Oh, ah ouais, donc si t'as pas les papiers pas possible, là. Ah bah voilà, eh ben, écoute Guillaume, tu vas redoubler. Non, tu vas pas redoubler. Mais tu te présentes, tu vas. Voilà, si le surveillant est sympa, il est sympa. En même temps, c'est vrai que. La carte d'identité, ta photo, le nom sur la liste, parce que t'es forcément sur une liste, faut pas exagérer. Oui. Bon, et Guillaume, je pense que ça va le faire. Olivier, donc c'est le roi de la loose. Hein. Je pense qu'on peut mettre. En revanche, pas de pièce d'identité, c'est le coup classique. T'envoies quelqu'un qui sait bien à ta place. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est énorme, ça. C'est-à-dire que si t'as un frère jumeau, tu peux envoyer ton frérot. Non, mais même, c'est pas un frère jumeau. Tu dis, j'ai pas ma carte d'identité, c'est moi qui dis que c'est toi. Ah, tu sais quoi, j'aurais dû t'envoyer au bac. Je pense que j'ai mis une meilleure note. Antonin est avec nous. Antonin, 15 ans d'Épinal. Salut Antonin. Salut Antonin. Salut le doc, salut l'équipe. Salut Antonin, il t'est arrivé quoi toi ? Bon, en fait, j'ai été à l'histoire des arts, donc pour le brevet. Oui. J'avais pas ma convocation. Oui. Et en pièce d'identité, j'ai pris mon permis de pêche. Mon permis. et tu t'es fait repêcher ? Bah, je me suis fait un peu allumé. Quoi. Et la gueule de la personne à qui tu donnes ton permis de pêche. Ça doit être énorme. Grave. Tu donnes tes cartes de bus, tu sais. Ah, j'ai tout ce que j'ai, madame. Ah, vous me faites peur, là. Ah oui, non, ta carte de pêche. Elle est mythique, cette phrase. Et alors, c'est passé ou c'est pas passé ? Bah, c'est passé, mais ils ont pas trop apprécié. Non. Déjà, définition du branleur, c'est Antonin qui arrive avec sa carte de pêche pour passer son bac. Élise est avec nous. Salut Élise. Salut Élise. Salut tout le monde, ça va ? Salut Élise. T'es à Nemours, toi. Ouais, c'est ça. J'ai peur de ce que tu vas dire. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Non, moi, ça m'est jamais arrivé d'oublier ma convocation, mais pour l'avoir vue en salle d'examen, stresse pas, hein. Emmène juste ta pièce d'identité et puis tu chopes un surveillant en arrivant, tu lui expliques et normalement ça devrait bien se passer. Ouais, t'as une pièce d'identité, Guillaume, quand même. Oui, j'ai une pièce d'identité. Mais bon, sinon tu prends ta carte de pêche. Hein. Ça passe. Ça peut passer. Hein. Ah, Alice, il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a Tom qui a un petit conseil pour toi. Donc, c'est vraiment en dernier recours parce que c'est pas spécialement légal. Mais tu chopes la convocation d'un de tes potes. Ouais. Tu la retouches vite fait sur Photoshop. Et ensuite, tu l'imprimes. Voilà, c'est alors, le conseil de Tom. Attends, tu montes ta convoque avec un autre nom sur la carte d'identité, t'es mal. Hein. Ben ouais. Non, tu fais pas ça. Guillaume, carte d'identité et tu passeras ton bac, j'en suis sûr. Et sinon, tu viens nous engueuler demain soir dans l'émission, d'accord ? Ouais, ça va. Bon, bon courage à toi pour demain, en tout cas. Bisous, bonne chance à toi. Salut Antonin le pêcheur, hein, tu reviens quand tu veux. Élise et Olivier aussi, gros bisous à tout le monde. Et on est avec Alex sur Fun Radio, 18 ans d'Agen. Bonsoir Alex. Salut Alex. Salut Alex. Bonjour Alex, t'appelles pourquoi ? Je voulais savoir si c'était mal de maintenir à son gynéco pour avoir une pilule qui fait avoir des plus gros seins. Ah ouais, carrément. Genre, tu mens à ta gynéco pour avoir des gros seins, pour avoir une pilule spéciale. Mais non, justement, je le fais pas, mais je voudrais savoir si d'accord. C'est mal. On en parle après Imani sur Fun Radio. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. We'll be right back. got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh, bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. L'un des tubes de cet été, elle est française, Imani, Don't Be So Shy. 01 42 48 5000. Lavin Fun. Avec Doc et Karel. Lavin Fun. 20h, 22h. Lavin Fun au 01 42 48 5000, bien sûr, hein, c'est un numéro gratuit, donc n'hésitez pas. En plus, on vous rappelle quand vous passez sur l'antenne, on a rappelé Alex qui est avec nous, elle a 18 ans, elle est d'Agen. Salut Alex. Salut. Salut. Salut. Bienvenue dans Lavin Fun, t'avais une question toi? Ouais, parce qu'en fait, je voulais savoir si c'était mauvais de maintenir sa gynéco parce que sur sa pilule pour avoir une plus grosse poitrine. Mmh. Alors, comment tu veux lui mentir? Parce que bon. Mais parce qu'en fait, c'est une copine qui a menti plusieurs fois pour dire, en disant ouais, ma pilule, elle me convient pas et tout ça. Et à force de changer de pilule, ben il y en a une qui lui a fait plus d'effet que l'autre et oui. Du coup, elle a des plus grosses poitrines. Ça, elle a des gros boobs. Ça peut arriver, ouais. Mais attendez, ouais. C'est pas comme ça. C'est vrai que bon. Par exemple, pendant la grossesse, c'est vrai que les hormones, puisqu'il s'agit de la même chose, font grossir la poitrine, mais c'est dans un autre, dans une autre dynamique. Je crois qu'il faut pas lui mentir, parce que d'abord, tu vas certainement être déçu. Peut-être, parfois, il arrive que, par exemple, Diane 35 augmente la poitrine de volume, mais je crois que tout ça, c'est un peu ridicule. Il faut surtout pas mentir à ta gynéco. Alors, tu fais du combien? Parce qu'on va venir directement, bah oui. En fait. En fait, je fais du 80C, mais en fait, on dirait que c'est gros, mais c'est tout petit. 80C, attends, le bonnet C. 80C, non mais alors, c'est top. Non mais attends, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Je sais ce que tu as, ça n'a rien à voir avec ça. C'est totalement classique. On se fait une idée de son physique et on va faire une fixette sur une partie de son corps. Ah ouais, les bonnes. On sent qu'il est totalement disgracieux et quiconque te dira le contraire. Alors en plus, d'abord, toi, tu les vois d'en haut. C'est vrai. Chose. Tu vois pas de face. Envoie une photo, je vais te dire. Et, non, je t'assure. Bon, et d'abord, tu lui dis la vérité. Elle va peut-être te rassurer sur la taille de tes seins, ce qui est quand même essentiel. En tout cas, je peux te dire que tu n'as pas de petits seins. Bah je non. Ne vois pas qui, même, je suis même pas sûr qu'un gynéco, enfin, qu'un chirurgien esthétique sérieux te proposerait une prothèse. Alice, est-ce que tu peux expliquer le tour comme ça et le bonnet en fait, comment on sait si on a des gros seins ou pas La taille des seins, c'est par rapport au bonnet et le diamètre, bah, c'est le diamètre au thorax. Niveau de la taille, exactement. Non, du thorax. Du thorax, en fait, du thorax juste plus, au niveau des plus il y a un gros bonnet, de la taille du dos. Quoi. Peux, non, pas forcément. Tu peux avoir... une poitrine assez large. Ça pas dépend, pas des seins. Par exemple, tu peux, par exemple, Ryan au standard, il a un bonnet combien, lui? Ah mais il a pas de bonnet C, mais il a surtout du 130 ou 140. Ah oui, donc 140 C pour Ryan. Hein et pour, t'as proposé d'aller toucher pour voir. Non, sans façon. Sans façon. Cécile a fait du combien? Ah, je croyais que Doc devait deviner. Doc, je fais pas du D, du E, non? Ouais, je fais du 95. Et Doc, t'es trop fort. Et pour Alice? Ah, Alice, excuse-moi. Ah non, tu fais du B. Non, elle fait du C. Elle fait moi, du je fais. En fait, ça dépend. Non, mais attends, je vous dis entre pourquoi, C et D, que... ça dépend des trucs. Ouais, là, j'ai un grand pull. Non, bah, un grand pull, je vois que dalle. Voilà. Mais t'as bien raison de le cacher. Vivons cachés pour être heureux. Allez, Alex, et tu Doc, es normal. Ma teub, c'est du combien? Et Katoche écoute, Alex, t'inquiète pas. Et surtout, tu mens pas. D'accord. Non, okay. On parlait de Katoche, mais. Ah, d'accord. Moi, je sais du combien elle fait. Plus tard, il dit, ça va venir. C'est ça. Non, mais fais pas ça. D'accord, Alex? D'accord, ok. Ouais, mais merci beaucoup. Faut dire toute la vérité à son gynéco. Bah oui, en plus. Voilà. Bien sûr. Il va surtout te rassurer sur la taille de ta poitrine. Gros bisous, d'accord. Alex. Des gros bisous à tous ceux qui vont passer le bac comme moi demain. Bon courage à toi, Alex. Hein.

Tu veux, par exemple, le soir... Tu fais ça. Mais il y en a plein. Non, mais pas que. Le soir, vas-y, quand il rentre. Le soir, quand il rentre, il me dit bonjour et tout ça. Et après, il se met sur son... c'est soit le téléphone, soit la tablette, le PC. Mais il te parle un peu ou pas? Ouais, mais pas plus que ça. Il y a plein de couples qui font ça, qui se laissent bouffer par les ordis, par les tablettes. Ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai. Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit, mais en fait, je me demande s'il m'écoute, en fait. T'as essayé de faire un petit striptease comme ça pour voir si t'étais plus importante que sa tablette? Non, j'ai pas encore essayé. Non, mais ce que tu peux faire, c'est lui envoyer des SMS un peu chauds, tu vois, pendant qu'il est sur son téléphone. Ouais, c'est pas mal ça, j'ai envie de toi. Ouais, c'est vrai. Tu anonymes et puis tu lui envoies. Non, mais c'est chiant, je comprends pas en fait. Tu sais, t'es avec ta meuf et tout, en fait, tu passes ton temps sur des tablettes, des écrans. Bah ouais, c'est relou, quoi. Ouais, c'est pas bien. C'est sûr, bon, c'est pas bon pour la relation, c'est évident. Puis alors, au bout de 4 ans, 5 ans, tu commences à te poser des questions. L'impression que le mec, tu fais partie des meubles, c'est ça? C'est ça. T'es devenu un guéridon. Voilà. Hein, Chloé. Alors, le guéridon va appeler le geek. Ouais, on y va, on appelle Xavier tout de suite en direct. Ouais. Allez, vas-y, mon petit guéridon. Lâche pas le morceau, surtout. Attaque-le. J'aime bien ce mot, guéridon. Ouais. Allô? Oui, mon cœur, c'est moi. Salut. Ça va? Oui, ça va, et toi? Oui. Dis-moi, je t'appelle, je voulais te parler d'un petit truc. Enfin, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je suis pas sûre que tu m'écoutes à chaque fois. Donc là, je me dis que normalement, tu devrais bien m'entendre. Mmh. Je voulais te demander, en fait, s'il y avait moyen, tu sais, que tu lâches un peu ton portable quand on est ensemble. Parce que c'est vraiment relou, quoi. Bah, comment ça lâcher? Enfin, je suis pas trop dessus, quoi. Non, t'es pas trop dessus, non, quand je te parle. Tu lèves la tête de temps en temps, tu dis oui, mais je suis pas sûre que tu écoutes vraiment ce que je te dise. Et... Voilà, si, je t'écoute toujours, hein, non, y a pas de souci, non. Ça change rien, je t'écoute, hein, quand même, tu sais, c'est pas l'impression que ça me donne, en fait. Tu vois, t'es tout le temps soit sur la tablette, soit sur le PC, soit sur ton téléphone. Alors, en soi, c'est vrai que tu fais rien de mal dessus, mais tu vois, je préférerais qu'on discute, que je te raconte ma journée, que tu me racontes la tienne. Enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Bah, c'est juste ce qu'on fait, ça ne m'empêche pas d'être sur mon téléphone, ça. Ouais. Alors, je te propose un petit deal. Tu veux ou tu veux pas lâcher ton portable au moins le temps d'une soirée? Genre, vendredi soir, on se fait un petit resto. Tu le lâches toute la soirée, genre tu l'emmènes même pas du tout. Et si vraiment tu tiens, je réalise ce que tu me demandes depuis quelques temps, c'est-à-dire que je te suce au prochain match. Ah. Oh putain! Oh pardon. C'est qui derrière? Salut! Je suis le mec qu'elle sucera si jamais tu lâches pas ton portable. Alors, hein? C'est quoi ce délire? T'es en direct sur Fun Radio, Xavier, dans toute la France, dans Love in Fun. Bienvenue. Ah, d'accord. Voilà. Dis donc. T'as vu ce qu'elle te propose, Chloé? Tu veux ou tu veux pas alors? Ah, du coup, là, non, mais de toute façon, c'est ouais. J'ai juste pas compris où elle le suçait, mais bon. Au prochain match, je crois. Au prochain match, ouais. Ah, pendant le... Ah, non, mais c'est encore pire, le mec, il regarde un match. Ah, c'est génial. Ah, ouais. Ah, c'est le rêve de tous les hommes. Ah, ouais. Ah, oui, avec une bonne bière. Il me demande ça depuis longtemps, et voilà, si ça peut le faire lâcher son portable. Ah, mais non, mais attends. En dehors de ça, quand même, Xavier. Tu sais que tu es dans Love in Fun sur Fun Radio. On lui a dit, Doc. Okay, oui. Il perd la mémoire, ce Doc. Si. Non, mais il apparaît pas. Je me fais du souci pour Doc. Non, je ne perds pas la mémoire. Xavier. Tu sais comment tu t'appelles, Doc? Je sais très bien comment je m'appelle. Xavier, oui, il y a une demande très sérieuse qui a été faite par Chloé. Et tu as dit, à un moment donné, quand même. Ouais, quand même. Elle constate quelque chose, elle a l'impression que tu es complètement sur tes portables, tablettes et tout. Et je crois que. Ce défaut, tu n'es pas le seul à... Eh dis donc, c'est un peu le comble, là, t'es bien placé pour en parler, Doc. T'es tout le temps fourré sur tes téléphones, C'est des cœurs qui m'arrivent. Quand t'es avec... Oh. Putain, c'est Katoche qui vient de t'envoyer des cœurs, quoi. Bah oui. Putain, elle est folle de lui, banane. Quoi. Elle est folle de toi. Je viens d'en envoyer trois avant, on en a envoyé trois. Putain, il envoie des petits cœurs, de qui? C'est mignon. Et tu lui envoies des fois des photos un peu hot? Peut-être pas. Mais t'as quand même un peu hésité. Alors, oui, mais Xavier... Si tu tiens, je t'envoie ma teub, Katoche. Chloé, je trouve que Chloé a une demande extrêmement sérieuse. Ah ouais, ouais. Et qu'il faut, tu sais, c'est comme ça que les couples finissent par pourrir, parce qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus. Bon, alors, moi, je te propose, enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais moi, je te dis, peut-être, tu devrais dire, bon, voilà, telle heure, je suis sur mon truc, puis après, je laisse tout tomber. Parce que laisser tout tomber, c'est quand même important. Qu'est-ce que t'as à faire? Qu'est-ce que t'as à faire sur tes tablettes, en fait? Tu joues à Clash of Clans? Tu fais quoi? Non, bah, je regarde un peu, bah, je regarde Facebook, enfin, je suis des forums, non, rien de particulier, mais c'est vrai que, enfin, ça fait quelques années, là-dedans, qu'on est ensemble, et on a moins de choses à se dire, Non. Et c'est ça le secret, hein, de la réussite d'un couple. Moi, tu m'inquiètes quand tu dis moins de choses à se dire. Elle fait partie des meubles. Excuse-moi, je te pose la question. En tout cas, Chloé, clairement, t'en as marre. Et si tu fais pas d'efforts, tu vas finir par arrêter. Xavier. Ouais, c'est pesant, quoi. Et Xavier, il n'y a pas que le sexe, même si je pense que sexuellement, ça va bien, en fait. Moi, je me plains pas. Après, je sais pas, faut voir avec Chloé. Comment ça te va sexuellement? Ça va comment? Est-ce qu'elle va finir par bloquer? Ah non, là, c'est très bien. C'est parfait, tant mieux, mais il n'y a pas que. Dès qu'il lâche le téléphone, c'est bon. Il faut parler dans un couple. Il faut parler. Et en parlant, on prend du plaisir à être ensemble. Et une bonne soirée en perspective. Et si on prend du plaisir. Mais le pire, c'est qu'au début, on parlait beaucoup et je sais pas. Et quand on est du plaisir à être ensemble, ça dure. Voilà. Xavier et Chloé, on vous souhaite une bonne soirée là, avec une bonne petite pipounette en prévision, hein, je crois. Et écoute bien. Toi aussi, alors j'ai compris que c'était le fantasme de Carrel également. Enfin bon. Fantasme de beaucoup de mecs, je veux dire. Non, pas du tout, moi. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, faire sucer devant un match de foot, c'est nul. Tu préfères du bridge, toi, Doc, hein. Une petite partie de bridge. Non, mais bon, je sais pas. Non. À l'anglaise, avec un petit thé. Un cup of tea, please. Salut, Xavier. Au revoir. Ciao, Chloé. Salut, bisous, merci. On a Tristan qui est avec nous. Tristan. Salut toute l'équipe. Ah oui. T'as un prénom incroyable. J'adore. Il va tirer les pompes parce que Tristan, c'est le prénom de notre patron. Bien sûr, qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais. C'est Dieu ici à la radio. C'est important. Arrête de tirer les pompes. Tristan. Ouais. Tristan, 14 ans de Vélizy. Bienvenue à toi, Tristan. Salut, Tristan. Tu nous appelles pourquoi? Pour savoir comment mieux gérer mon strabisme. Ah d'accord, tu louches en fait, c'est ça. Hein. Oui. Ouais, le strabisme. C'est important, oui. Ouais, carrément. Putain, j'avais ça quand j'étais tout petit. Tu louches encore d'ailleurs. Non, ah ouais, peut-être. Ouais. Non, mais je sais pas. Quand je suis fatigué. Surtout quand tu regardes les scènes de. Ah bah, ça, tout le temps. Tout le temps. Voici Cashmere, Wild Card sur Fun Radio. Love in Fun. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your. Cashmere, Wildcard sur Fun Radio. 0-1-42-48-5000. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun, bienvenue. Si vous venez de débarquer, vous êtes tous les soirs de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Il y en a toujours qui débarquent peut-être pour la première fois là ce soir, qui découvrent l'émission. Tiens, je vais goûter à Love in Fun. Oui. On adore quand vous nous goûtez, déjà pour commencer. Et moi, je m'appelle Karel. Je préfère quand ils nous écoutent. Bah oui, bien sûr, ils nous goûtent d'abord, ils nous écoutent après. Okay. Toute la vie. Pas de problème. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous, Kassima, Larrea. Bonjour. Alice, aux réseaux sociaux, qui lit vos messages, hein, qui lira vos messages là tout à l'heure, on fera un petit point. Et on est avec Tristan. Il Salut. A 14 ans, il est de Vélizy, dans le 78, hein, c'est ça? Oui, exactement, dans les Yvelines. D'accord. Alors, Tristan, t'appelles pourquoi? Bah, en fait, depuis que je suis tout petit, en fait, depuis ma naissance, en fait, j'ai un strabisme. D'accord. Et je me suis fait opérer à l'âge de 5 ans. Ouais. Ça marche. Et en fait, c'est surtout quand je suis fatigué et okay. des fois quand je suis ailleurs. T'as, c'est comme moi. Est-ce que tu as des lunettes? Une correction? Oui, j'ai des lunettes. Ouais. Et avec les lunettes, ça va mieux? Oui, mais c'est pas magique non plus. C'est-à-dire que on voit encore que tu louches ou pas? Oui, oui. Voilà, ça dépend des fois. Est-ce que tes deux yeux fonctionnent bien? Oui, ils fonctionnent tous les deux bien. Voilà, donc bah après, il faut voir ça avec l'ophtalmo, mais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce qui te gêne, en fait, c'est quoi? C'est par rapport aux filles? Bah, oui, c'est surtout par rapport aux filles, parce que je n'ose pas les regarder en face. J'ai peur que j'en ai qui prend en couille. Ça s'appelle aussi une coquetterie, c'est pas forcément moche. Ah non, je suis pas d'accord avec toi, Doc. Oui, non, mais bon, je sais, non, je le dis comme je pense. C'est chiant quand tu louches. Moi, j'ai louché et franchement, j'avais le même problème que toi, Tristan. Okay. Ça me gênait, quoi, tu vois. Et, donc là, ça veut dire que de temps en temps, t'as pas de strabisme, c'est ça ou pas? Oui, de temps en temps. Ouais. Quand t'es pas fatigué. Quand tu es fatigué, d'accord. Mmh. Ok. Donc il faut se faire opérer encore. Est-ce une fois, que tu as fait de l'orthoptie pour rééduquer? Non. Pourquoi? Finalement, tu n'as pas proposé une rééducation là-dessus, non? Non. Ouais. Bon, écoute, je sais pas, il faut que tu revoies ça. Tu as des bilans réguliers avec le médecin des yeux? Quand j'étais petit, mais plus maintenant. Ah bah attends, il faut y retourner, mon grand. Sinon, tu la joues beau gosse. Bien sûr. Tu la joues beau gosse, Thug Life. Tu mets des lunettes de soleil. Tout le temps. Tout le temps, tu vois. Comme genre Maître Gims. Genre, t'es la star. T'es Maître Gims. Bah ouais. Maître Gims. Non, mais, et parce que Maître Gims, il louche, hein, c'est sûr. Ah bah oui, il y en a un qui. Je suis un peu étonné que tu sois pas plus suivi par un ophtalmo. Il faudrait retourner. Ouais, ah oui, c'est commencé par ça. Ouais. Après, bon, est-ce qu'il y en a qui louchent et qui sont complexés? Voilà. On a Tiffany qui est avec nous. Okay. Et elle a 24 ans de La Roche-sur-Yon. C'est très complexant de loucher, Doc. Oui. T'as un œil qui dit merde à l'autre, c'est pas terrible. Ça va pas être trop important, lui. Bon, bonsoir, Tiffany. Salut, bonsoir. Tiffany. Salut, bonsoir, Tiffany. Bonsoir, la famille, ça va? Bah, ça va super bien. La Roche-sur-Yon. Alors, c'est ça. Raconte-nous là, un petit peu là. Ben, faut pas qu'il complexe parce que franchement, on a tous un petit défaut sur nous, donc faut qu'il passe au-dessus parce que s'il complexe que sur ça, ben nous, les filles de l'autre côté, on verra que ça. Ouais. Faut vraiment qu'il se base sur autre chose. Sauf que pour le coup, moi, je trouve que c'est quand même un complexe vraiment important. Non, mais elle dit une chose qui est essentielle. Je suis d'accord avec toi, tu dis une chose très importante. C'est qu'en fait, il faut quasiment oublier ça parce que si tu fixes là-dessus, il émane de ta personnalité quelque chose qui est stressant pour les autres en face. C'est en fait, quand tu regardes quelqu'un, ce qui se dégage de lui, c'est son bien-être, sa façon d'être un peu à l'aise ou même d'être timide, mais bref, dégage quelque chose qui est au-delà du langage. Et je crois que l'attitude, Tristan, le conseil qu'elle t'a donné est quand même assez intéressant. Tu devrais y penser. Oublie que tu louches. Oublie que tu louches. Ouais, c'est ça. Oublie que t'as un gros nez, oublie que t'as des dents de traviole. Ah oui, parce que de toute façon, tu vas faire quoi? Non, mais je comprends, mais. Parce que tu sais, le charme, c'est pas une. Sauf que quand t'as 14 ans, t'as pas forcément non plus hyper confiance en toi. Arrête de l'en. Justement, faut lui dire que. Non, mais faut passer outre ça. En fait, voilà. Faut qu'il dise qu'il a forcément autre chose de mieux que ça. Voilà. Forcément, faut qu'il passe sur autre chose. Tu as tout à fait raison. Et quand on a 14 ans, il y a toujours parce que le corps a changé, le corps change beaucoup. Bien sûr. Et qu'on a du mal à s'approprier ce nouveau corps. Et en général, à l'adolescence, c'est bien connu. Eh bien, on va fixer sur une partie du corps qu'on va trouver très disgracieuse. Mais en fait, les autres ne le voient pas forcément. Si vraiment t'es à l'aise et que tu parles bien, que tu souris, et que ils vont oublier que tu louches. Kassim, t'as toi qui vas l'oublier aussi. Moi, j'ai la technique pour Tristan. En fait, vu qu'il louche, s'il drague une fille et qu'elle lui dit non, si elle lui met un bâche, il a qu'à lui dire, c'est pas toi que je regardais. C'était la voisine. Voilà, exactement. T'es vraiment un connard. Comme ça, c'est le pire. C'est le pire de cette bande, sans déconner. Et Tristan, il faut. Moi, je pense. Et Doc, sans déconner, on peut régler ça maintenant. Ah ben, je lui dis. Non, mais attends. Là, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Il n'a pas vu d'ophtalmo depuis un certain temps. Ça, c'est pas normal. Bah, faut que tu t'en occupes très sérieusement, Tristan. Il faut retourner, faire une consultation, il faut un suivi minimum annuel, voire tous les 6 mois, je le pense, sérieusement. D'accord? D'accord.

Can you make a clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight bull, she take that. Put in overtime on your body. Le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. Alors ce soir, comme tous les soirs, j'ai envie de dire, Alice a travaillé depuis hier soir pour trouver ce nouveau chiffre. Je n'arrête pas, je n'arrête pas. Et ce soir, on va parler des infidèles parce que apparemment, il y a 62% des infidèles qui utilisent l'excuse du boulot pour tromper leur meuf ou leur mec. Voilà, alors J'ai trouvé pas mal d'excuses comme ça, le top 5 des excuses les plus utilisées. Allez, et en premier, l'alibi, c'est donc j'ai une réunion, donc voilà, je rentrerai plus tard. Le deuxième alibi, c'est je vais voir ma copine, elle vient de se faire plaquer, elle est complètement désespérée. Attends, je regarde un texto là. T'as eu un texto de ta meuf ? J'ai eu un texto de ma meuf. Elle a une réunion ? Alors, moi, je vais vous en dire un qui est quand même pas mal. Ah, vas-y. C'est une fille qui trouve un jour dans le. Mais c'est vrai, hein, dans vas-y, le sac de son copain, des capotes. Ok. Il dit, tu te fous de ma gueule ? Ah, ça y est. C'est tombé sur moi. Au bureau, ils font ça. Ils font exprès pour nous emmerder. Ils mettent des capotes dans nos sacs. Ah, les salauds. Oh putain. N'importe quoi. Mais sans déconner. Mais c'est toi qui l'as dit, ça. C'est nous qui t'avons mis des capotes. Non, je dis pas. Moi, j'ai pas de cachotterie à faire. Moi, j'ai reçu un texto hier soir. Je vous assure que c'était une histoire vraie, ça. Ah, bah, moi j'ai mieux, moi. J'ai. Réus ce soir, je rentrerai plus tard. Ah, bah voilà, c'est l'alibi numéro 1. Et après, elle m'a envoyé. Ma copine est pas bien, je vais aller la voir. Elle m'a envoyé un message, elle me dit fais gaffe, sanglier de sortie avant la maison. J'habite à la campagne. Alors on a plein de réactions, on a Julie qui est avec nous. Bonsoir Julie. Bonsoir à tous. Salut Julie, t'as 27 ans, t'es à Bordeaux Julie toi. Oui. Des excuses un petit peu bidon, t'as déjà utilisé ça toi, des alibis comme ça? Moi non, mais mon ancien copain oui. Qu'est-ce qu'il disait? Un soir il m'a dit oui, je sors avec un pote. Et en fait, deux jours après, je vois sur Facebook une photo de lui devant une limousine avec une certaine fille. Oui. Et en fait, ben, il a emmené au restaurant, il a payé une limousine, tout ça. D'accord. Enfin, le pote, c'est vrai que le pote, la meilleure pote, c'est pas bon signe. En général, les mecs qui rentrent très tard le soir et de plus en plus tard, ou les filles, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ouais. Ouais, parce que si c'est juste une fois, ça va. Mes parents, tu dirais qui c'est sinon. Mais comment on peut savoir en fait ? Que t'es cocu ? Bah ouais. C'est ta question ? Bah, sexy chocolat. Ouais, par exemple. non, mais attends, c'est vrai. C'est que voilà, il y a deux sortes de personnes qui trompent. Il y a ceux qui effectivement qui sont des prédateurs sexuels, qui ont besoin de collectionner les aventures, de se rassurer. Et puis il y a ceux qui ont maman à la maison ou papa à la maison d'ailleurs. Ouais. La petite vie tranquille et tout, puis qui vont régulièrement se dégourdir ailleurs. Mais le poireau, Julie, c'est bien dégourdi le poireau. Comment ça s'est terminé ton histoire du coup, une fois que tu l'as vu sur Facebook, là, vous avez une explication ? Oui, mais bon, c'était particulier comme relation, alors je disais pas grand-chose. Tu l'as pardonné ? Bah oui, plusieurs fois. Ah ouais, putain, non, arrête, faites pas il ça, a, sérieux. Il a reconnu, parce qu'il y a les mecs qui mentent. Bah oui. Ou les filles qui mentent. C'est un menteur compulsif déjà à la base. Ouais. D'accord. Et il a fait ça pendant un an. Et t'es encore avec lui là ? Non. Ah, d'accord. Bah, je crois que c'est mieux. Hein, parce que les gens qui mentent à leur conjoint, en fait, ils oublient une petite chose, c'est qu'en fait, ils se mentent à eux-mêmes déjà. Moi, j'ai une question aussi, Doc. Vas-y. Est-ce que si on trompe une fois, on trompe tout le temps ? Je sais pas, je peux pas dire, mais c'est vrai que dans un couple, il va y avoir comme ça des aléas, mais c'est un bon début. Parle de toi, Doc. Quand t'as trompé une fois, est-ce que t'as trompé plusieurs fois ? En fait, tu te trompes pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il répond jamais hein, dans ces cas-là. Hein. Il dit, en fait, c'est pas tout à fait. En fait, ça, moi, des problèmes. Moi, je suis très fidèle, en fait. Ouais. En réalité, quand je suis plus fidèle, c'est que de toute façon, l'histoire, elle est terminée. D'accord, donc c'est ça, en fait. C'est que quand tu trompes ta nana ou ton mec, c'est le début de la fin. Attends, je fais pas d'effort. Quand t'aimes quelqu'un, tu fais aucun effort. Tu aimes, t'as pas envie de tromper, tout simplement. Stécy est avec nous, nous appelle aussi. Bonsoir, Stécy. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Stécy, vous êtes en direct de l'autoroute A83. Est-ce qu'il y a des bouchons sur la route là en ce moment, Stécy? Pardon, je reste chinois. Vous êtes bloqué par les grèves de la CGT Non, mais c'est bon, je suis désolée. Tu t'es arrêté, elle est en train de faire le tour de France. Pourquoi là, tu te marres Non, du coup j'ai dû me taper un sprint pour réussir à sortir du resto. T'appelles pourquoi Stécy? Tu voulais réagir? Ah oui, alors ouais, moi j'ai une bonne histoire, une super histoire à raconter, ouais. Vas-y, on t'écoute. Alors, c'est parti. Non, je rigole, Allez, c'est parti. Bon alors, installez-vous, prenez les cocktails. Non, oui, mais crache ton morceau là, on n'est pas là pour toute la soirée. Attends, fais son show. Je rigole. Vas-y, rigole. Alors du coup, moi ce qui m'est arrivé, c'est bon, j'étais en couple avec un gars, ouais. Donc un Anthony, donc maintenant je peux plus me gérer les Anthony. Donc on est resté 8 mois ensemble. Ouais. Malheureusement, on s'est séparés. Et je le revoyais en fait, je l'ai revu donc quelques semaines après, où il s'est mis à pleurer, il m'a dit oui, je pense que tu es la bonne, que tu es la femme de ma vie, blablabla. Bla, bla. Bon, il m'a fait un gros discours. Moi, entre-temps, je l'ai fait rentrer, donc je l'ai fait rencontrer toutes les personnes de mon entourage, dont une fille que je pensais être ma pote, qui me dit oui, moi je suis une meuf bien, t'inquiète pas, on a mis blablabla, m'a passé la pommade dans le dos. Elle me dit je suis pas une grosse pute pour rester... poli, ou du moins c'est exactement ce qu'elle m'avait dit, à te piquer ton mec ou quoi, et en fait, sous mes yeux, quelques jours plus tard, eh ben ils se sont mis ensemble, ils ont couché ensemble, et je vais deviner la suite. Et voilà, putain, sans déconner quoi. Voilà, donc alors, une grosse salope avec un salope. Tu l'as tué, hein, j'espère. Alors, non mais qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'imagine alors, que ben, tu t'es défoulé. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait pire. C'est qu'ils sont allés en boîte de nuit, donc il a essayé de se choper les deux meufs que je lui avais présentées, les deux meufs du groupe avec qui j'étais. En boîte de nuit, il s'est mis à danser avec elle et l'a tripotée sous mes yeux. Donc voilà, moi je suis partie de la boîte, je me suis mis à notre bout. Il est revenu encore avec la fille pour danser sous mes yeux. 4 fois ils m'ont fait le coup et à la sortie de la boîte, il m'a chopé avec ses potes pour essayer de me foutre sur la gueule. Comment ça te foutre sur la gueule? Il voulait te casser ah la ben gueule? Ouais, parce que, ouais, parce qu'en fait, sa connasse de Charlène, là. Désolé, ça m'énerve de repenser, là. Non, non, en plus, si vous verrez le ton que c'est. En plus, elle est moche, en plus, ah oui. Et en plus, elle est moche. Elle non, est mais attends, moche, attends, il voulait te casser la gueule parce que toi-même, tu avais cassé la gueule de la fille ou tu non, avais non, été... non, moi, j'avais rien fait. En fait, je suis partie, si vous voulez, en fait, dès qu'il venait sous mes yeux, parce que ça me faisait de la peine, je partais à l'autre bout, ils m'ont cherché et je suis sortie de la boîte. Et la Charlène avec sa super copine Aurore, elles sont venues, elles m'ont dit ouais t'as un problème. Je dis non, pas de souci, pas de problème. Et je gardais le sourire. Et à un moment j'ai voulu partir en fait pour aller à ma voiture. Et il est venu, il a gueulé devant tout le monde. Je vais lui péter la gueule. Il a couru vers moi, il a commencé à me menacer, il m'a poussé, enfin il m'a touché quoi. Oh là là, c'est tu veux que je te dise hey, Charlène, tu veux que je te dise quelque chose? Oui, je vous écoute. C'est si, pardon. Tu n'as rien perdu. Ah parce non mais ça c'est clair, je n'ai rien perdu du tout. Du coup, t'es célibataire en ce moment, Stécy? Bah oui, je suis célibataire. Ah, j'ai un pote à moi, il galère un peu, c'est Cassim à l'arrière. Salut Stécy. Non mais attends, il va pas... vous essayez de le refourguer à n'importe qui, celui-là. Ça va. ça va être le même que ton précédent, mais pire. Mais c'est non. Je descends à Toulouse quand tu veux. T'as une répute là. En tout cas, c'est Anthony Ferreira, tu m'écoutes, et si les meufs vous écoutez, c'est un gros salaud, ne sortez pas avec lui, c'est une grosse merde. Et je vais m'occuper de lui si tu veux. Et Charlène Mexès, qui est sa meuf, c'est pareil. T'as coupé, hein. Pas de nom de famille. Pas de nom de famille. Je suis désolé, c'est parti tout seul, j'avais oublié. C'est pas grave, Stécy, calme-toi. Pas grave, Stécy. Allez, prends la route, prends ton baluchon, va-t'en. Stécy, fais gaffe la prochaine fois, pars pas trop vite avec un mec. Regarde à qui t'as affaire, parle-lui avant. Ah non, mais je lui ai parlé, lui en parler, on en avait parlé des heures et des heures Sinon... Ça a tenu 8 mois. Ah, oui, bon. On va te repasser. Non, mais il m'a fait de tout, ce mec, il m'a fait de tout. T'es bonne ou pas? On va te repasser, Kassim, j'ai l'impression qu'il veut te parler. Oui, parce que, 25 ans, tu c'est bien. Tu raccroches pas, Julie, pareil. Et on va accueillir Anna, 13 ans de Mulhouse, avec nous sur Fun Radio. Bonsoir, salut. Anna. Salut, Anna. Coucou tout le monde. Salut, Anna, t'appelles pourquoi, toi? Ben, est-ce que c'est normal de parler plus à 13 ans? D'accord, ok. Ah, tu nous diras avec qui tu parles de cul à 13 ans, Anna. Restez bien avec nous, 01 42 48 5000. Il y a le défi Fallait pas demander aussi qui va pointer le bout de son nez dans un instant. Vous restez avec nous, des tablettes tactiles à gagner. Et Dimitri Vegas, Like Mike, Arcade sur Fun Radio. Vega sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Loving Fun. 0-1-42-48-5000. Love in Fun sur Fun Radio. Tous les soirs Love in Fun sur Fun Radio et tous les soirs connectés bien sûr sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. N'hésitez pas si vous voulez nous ajouter sur le Snapchat de l'émission. C'est Love in Fun Radio, tout attaché. On lit quelques messages qui sont arrivés. C'est parti Alice. Un message d'Elodie. Selon vous, est-ce qu'on est obligé de dire à ses parents quand on est plus vierge? Non. Ah non. Mais non. Encore que moi, je le criais sur tous les toits. Tu es... Ça y est, je suis plus puissant. Ouais, trois ans avant de ne plus être, il le disait déjà. Non, oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est exactement bon, ça. Doc. Tous les garçons sont un peu. Ah comme ouais, ça. Ouais, non. Non, je pense que c'est un jardin secret, c'est quelque chose d'important. Et puis surtout les premiers pas dans une vie adulte, même si parfois ça se passe tôt. Donc je crois qu'il faut pas tout partager comme ça. Non. Tu l'avais dit à ta mère, toi? Non. En fait, je lui avais dit « Maman, je pense que je le ferai pour mes 16 ans. » Sauf que je l'ai fait à 14. Et deux semaines après mes 16 ans, elle me dit « Au fait, où ça en est ?» Je fais « Ah bah ça y est, c'est bon, c'est fait. » Ah ouais, d'accord, ok. J'ai essayé d'esquiver. Et sinon, on a reçu pas mal de messages sur le hashtag Love in Fun. Myriam qui dit « Gros stress pour la philo. » Alors on décompresse avec Love in Fun. Steve, à l'écoute de Love in Fun en faisant mon sport, vous déchirez la famille. Et Caro, bonne soirée de kiff en vous écoutant. Ça me déstresse décidément, elle ne sait pas parler ce soir. Ça me déstresse de ouf avant les épreuves de demain. Mais c'est vrai, j'ai du mal, j'ai trop de salive, je bave. Non, mais ses parents pâtissent. Bah oui, ses parents. Il faudra changer le truc là. Ses parents pâtissent, elle stresse avec ceux qui vont passer le bac demain. Donc pour être comme eux, elle stresse aussi. Mais oui. Oui, vous me stressez, putain. T'es incroyable de naturel, Alice. Bah écoute, j'ai pourtant, bah voilà, ça marche pas. On est pas des putains de robots, nous. On n'enregistre pas les émissions, on ne se reprend pas. Ben non, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Tous les soirs sur Fun Radio et on va accueillir direct, Anna. Oui. Anna est avec nous, 13 ans de Mulhouse. Bonsoir, Anna. Salut, Anna. Coucou tout le monde, ça va? Salut, Anna. Salut. Ça va, ma chérie? Parle bien fort dans le téléphone, d'accord? Ok. Parle plus fort. Alors, Anna, t'appelles pourquoi? Alors, est-ce que c'est normal de parler cul à 13 ans? Oui. Tu parles de cul avec qui, toi? Ben, la plupart du temps, c'est avec les garçons. Oh, oh putain. Oh. Et genre, vraiment, vous parlez de quoi? Ben, je sais pas, de leur pratique et de ce qu'ils aimeraient faire, plein de trucs bizarres. Et tu leur montres des trucs? Non. Ah non, mais parle. Non, mais j'ai eu peur. Attends. C'est marrant parce que c'est un peu nouveau en général, c'est les filles qui parlent entre filles et garçons entre garçons, parce qu'effectivement, il s'agit de ne pas trop se dévoiler. C'est un peu compliqué de parler de sexe devant quelqu'un avec qui t'es censé un jour le faire, enfin pas elle spécialement. Moi c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les hormones qui travaillent énormément, qui font que ton corps va devenir adulte et qui vont pousser justement ton corps à avoir des relations sexuelles. Et pour ça, il faut effectivement que la libido se développe, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ta libido est très prégnante, elle est omniprésente, elle est envahissante, elle est assourdissante, mais elle demande à s'exprimer. Et moi je crois que c'est extrêmement sain d'en parler avant de le faire. Bien sûr, et d'ailleurs c'est ici qu'on en parle hein, tous les soirs dans Love in Fun. Anna, moi j'ai une question, est-ce que tu regardes aussi des vidéos? Non, ça me dégoûte un peu. Mais t'as d'accord. Bien raison, parce que ça, à mon avis, c'est quand même un peu... Enfin, je trouve ça, les films porno, on parle de ça évidemment, il y a quelque chose de dégradant pour la personnalité. Je suis désolé de le dire, mais je le pense, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. En gros, vous sachez que c'est un énorme business, plus 35% chaque année, il y a une vallée entière aux États-Unis avec 3-4 000, je ne sais pas combien de personnes qui fabrique ça, ça rapporte un maximum de pognon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui regardent, Doc. Pour que vous alliez vous branler et prendre plus de plaisir. Voilà. En gros, c'est ça. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Et en général, moi, je trouve qu'il y a une objectisation totale de l'individu. Et que ça, je le regrette profondément. Ce n'est pas du tout... Doc est colère. Vous l'avez compris, Doc n'aime pas ça. Je le dis et je le redis. Il est colère. Bon, et Anna, tu discutes avec des mecs, là. Hein, ils ont 13 ans comme toi, c'est ça? Ben ouais, des fois ils ont 13, des fois ils ont 15, ça dépend. Des fois ils te posent des questions, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de délire comme ça, non? Non. D'accord, donc oui. Ils parlent de sexe, genre, vas-y, moi j'ai 13 ans, vas-y, parle de sexe, on parle ensemble. Oui. Bah, je sais pas. Genre, vous parlez de quoi? De fellation, de pipe? Non, mais genre, ils parlent de leur taille, ils parlent de comment est-ce qu'ils font et tout. Et vu que leur délire de fin d'année, c'est de ramener des paquets de capotes. Des paquets de capotes. Ouais, alors à mon avis, c'est tous des puceaux. Hein. Parce que s'ils parlent, ils parlent de tout ça, non, mais c'est sûr. Mais attends, tant mieux, mais moi, je trouve ça très bien en général. Bon, voilà, qu'une fille soit dans la mêlée, s'il la respecte. Ouais, bien c'est sûr. Bien. L'essentiel, c'est que, voilà, en général, je te le dis quand même, Anna, les garçons entre eux ont un langage extrêmement violent. Hein, parce que la sexualité est violente. Et c'est typique à l'Occident, d'ailleurs. Parce qu'en Orient, on parle pas de la sexualité aussi violemment. Et les filles aussi peuvent être violentes, mais différemment. C'est pas la même chose. Allez, filles. Les filles, quand t'avais 13 ans, tu parlais de cul avec tes copines, non? Oui, avec mes copines, mais pas avec des mecs. C'est pour ça que je trouve ça assez surprenant. Mais bon, ça dépend de la relation, c'est que c'est vraiment des vrais potes, hein, pour le coup. Ouais. Mais attends, t'as pas répondu à ma question. Laquelle? C'était violent? C'était violent quoi? Dans vos langages, évidemment. Non, bien sûr que c'est non. Pire que nous, les mecs. Non, c'était pas spécialement violent au début. Mais après, bon, quand tu commences à parler de sexe et qu'il y a l'humour qui se mêle aussi à ça, bah là, tu deviens plus. Par exemple, t'as déjà eu une copine qui t'a raconté sa relation sexuelle, genre. Ah, mais bien sûr. Mais j'ai même une pote encore maintenant, elle me raconte tout. Je veux dire, et devant mon mec ou pas, tu vois. Donc, alors lui, après, il rencontre son mec, il se dit, oh merde, c'est celui qui a la bite tordue. C'est hyper gênant, quoi. Mais c'est ça, on est au courant de tout. Et les mecs sont dévisagés dans le plein. Du coup, c'est gênant. Enfin, voire humilié. Bah écoute, il y a des gens comme ça qui aiment bien se livrer. Et tout raconter. Ah putain. Ah c'est pas bon ça. Y compris s'il sait faire, pas faire. Ah bah oui, bien sûr. Moi j'avais tout en détail. Moi personnellement ça me gênait pas. Mais je sais que mon mec qui était là, elle, ça la dérangeait pas. Ma meilleure pote, elle raconte tout devant lui. Lui, il me disait, mais attends, et quand je suis pas là, tu lui dis quoi? Enfin, tu vois. Donc ça. Forcément, tu stresses quoi. Oui, justement, tu lui disais quoi quand il était pas mais là? Mais moi je suis pas du style à raconter. Je dis, cool, bien pas raison. Cool. Voilà. Vivons cachés. Exactement. Anna, continue de discuter. Tant qu'il y a pas de proposition. Descente, tout va bien, d'accord? Oui. Salut Anna. J'ai une question. Vas-y, vas-y. Est-ce que je peux avoir un pack Kevin Fell? Ouais. Avec les capotes aussi. Tu raccroches pas, sans déconner. Elle va dire à ses petits potes, moi j'en ai eu un. Bah ouais. Est-ce qu'ils sont envoyés les packs Loving Fun là, en ce moment là? J'espère, hein, parce que j'ai reçu 2-3 messages là. Bah écoute, faut voir avec le service cadeau. Hein. Non, on va gérer, parce qu'il paraît qu'il y a 2-3 packs Loving Fun qui sont pas partis. Donc on veut pas, c'est pas de notre faute. Hein. Pas nous qui nous occupons de les envoyer justement. Donc on est en train de gérer ça. Je suis en train de faire un petit coup de gueule, Doc. Absolument. Et je le fais un petit peu déguisé parce que je pourrais carrément ouvrir ma gueule et dire qu'il y en a marre. C'est vrai, il y en a marre de recevoir des messages d'auditeurs qui nous disent j'ai toujours pas reçu mon pack Loving Fun. Eh ben nous aussi, on trouve que c'est pas normal et on gueule pour que vous les ayez. Là oui, je pourrais m'énerver, Doc. Mais reste calme, je reste zen. Dites-vous bien une chose, c'est qu'on se bat pour que vous les receviez. Mathis est avec nous. Envoyez des SMS au service cadeau. Ouais, c'est ça. Ouais. Mathis, défi, fallait pas demander avec toi, Mathis. Tu vas appeler ton papa, c'est ça, toi? Ouais. Tu vas lui demander quoi, Mathis, à ton père? Comment ça marche une sodomie? Ah ouais, il a 13 ans, il va appeler son daron dans un instant. Comment ça marche une sodomie, papa? Si t'arrives à l'énerver, tu repars avec ta tablette tactile après. Des euros. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Levanto! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Dijo sevillana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no joder. Deoro Bailar sur Fun Radio. On peut parler de tout, mais pas n'importe qui. Est-ce que tu veux que je vienne te laver la bouche avec du savon? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. Allez, c'est parti. Défi Fallait pas demander. Là, maintenant sur Fun Radio, on va tout de suite accueillir Mathis. Il a 13 ans, il est du Mans. Salut Mathis. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut Mathis, sois le bienvenu dans Loving Fun. Le défi Fallait pas demander. Tu peux expliquer à tous ceux qui découvrent l'émission là ce soir qu'est-ce que c'est? C'est une question qu'on n'oserait pas demander à un proche ou à des amis. Ouais, c'est ça. Et toi, tu vas appeler qui? Je vais appeler mon père. C'est quoi la question que tu n'oserais pas lui poser? Comment ça marche une sodomie? Ah, comment ça marche? là, c'est, j'ai envie de dire, c'est un classique. Alors, ton papa s'appelle Stéphane, c'est ça? Ouais. Tu penses qu'il a déjà... Peut-être. En tout cas, tu pourras lui demander. On va le savoir. Allez, c'est parti. Je rappelle qu'il y a une tablette tactile à gagner. Il faut que tu arrives à énerver ton papa. Hein. Ok. D'accord. Allez, on va se marier. C'est parti. Mathis, notre champion du Mans ce soir, qui appelle papa Stéphane. Oui, allô. Salut, papa. Ça va? T'as un numéro bloqué? Ouais, et toi? J'aimerais te poser une question. Comment ça marche une sodomie? Ah! Une quoi? Une sodomie. Mais pourquoi tu me poses cette question? Parce que j'aimerais savoir, parce qu'en fait j'ai regardé des vidéos et ça m'a plu et du coup je voudrais. Mais t'as pas regardé ça? Si. Et t'as regardé ça où? Sur YouTube. Non mais c'est du grand n'importe quoi, mais t'as pas regardé des trucs comme ça? Et t'as déjà essayé avec Stéphanie? Attends, tu parles pas comme ça, attends. Et ça, je vais en parler à maman demain soir, fin de l'après-midi quand je viens te chercher. Est-ce qu'il faut commencer avec un doigt? Mais c'est quoi ton truc là? Pourquoi t'as pensé à vous à l'école avec tes copains? C'est pas genre, tu t'es déjà pris un doigt dans les fesses, non? Non mais n'importe quoi, mais arrête tout de suite. T'es où là? Là je suis chez maman, je suis dans ma chambre. Et t'aurais des photos de Stéphanie à poil pour que je me branle? Non, pas vraiment, non mais là ça va. Attends, je te garantis demain, même pas demain, tout à l'heure là. Quand tu raccroches, moi je rappelle maman et je te jure on va en parler. Hein. Et je te garantis, tu vas te punir. Attends. Bien sûr que si tu vas te punir, attends, à 13 ans, t'as vu ça où? Attends, on parle pas comme ça. C'est pas tout coincé là. Non mais je suis pas coincé, non mais n'importe quoi. C'est toi, attends. T'as des gros seins, Stéphanie? Mais je te garantis, je te jure, après là, tu sais quoi? Je vais appeler maman et je te garantis. T'as déjà fait une branlette espagnole avec elle? Non, mais attends, je ne parlerai pas ça avec toi et n'importe qui. Non mais t'es fou quoi? Et demande-lui des photos. Tu peux me donner des photos s'il te plaît, juste ça. Non mais déjà j'ai pas de photos et puis je te donnerai pas des photos et puis déjà d'une tu vas pas aller voir sur internet des trucs comme ça déjà d'une même si t'as 13 ans je pense que c'est pas vraiment ton âge quoi. Mais non mais on voudrait essayer avec Marin. Avec qui? Marin. Non mais essayer quoi? Non mais vous avez quoi dans la tête franchement? Putain, il est pas cool ton père, il veut pas filer les taux. C'est Marin? Oui c'est Marin. Allô? Non mais attends. Oui allô? Salut. Ouais salut Marin. Écoute je te connais pas trop hein, mais Mathis m'a parlé de toi mais franchement vous avez quoi dans la tête hein? Pourquoi? Non mais n'importe quoi d'où. Attends, vous avez 13 ans, vous posez des questions. Est-ce que toi, tu poses des questions à tes parents comme ça? Ouais. Et moi, je veux des photos. Ah, bien sûr, tu veux des photos, hein, mais n'importe quoi, t'auras pas de photos. Et puis, tu sais quoi, je vais demander le numéro de tes parents à Mathis, et puis je vais appeler tes parents également. Non, mais il n'y a pas de problème, hein, mon père, il est plutôt cool. Hein. Il n'est pas comme toi. Ouais, peut-être, mais moi, franchement, sincèrement, il est de t'es coincé du cul, toi. Ouais, bien sûr. N'importe quoi. Putain, t'es relou, hein. Mathis, il m'a montré sa tub. Après, entre vous, faites ce que vous voulez, c'est clair. Si vous faites pipi, vous regardez le petit pioupiou, il n'y a pas de souci. Mais franchement, à un moment, oser ça, c'est limite, quoi. Mathis, il a essayé de me la mettre dans les fesses. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est la totale. Non, mais n'importe quoi. Non, les gars. Moi, j'étais pas d'accord. En plus, j'avais envie de péter. D'accord. Non, mais vous êtes grave, franchement. Vous n'avez rien. Enfin, vous n'avez rien au cerveau, hein, franchement. Oh, Stéphane. Oui. Ouais, t'es en direct sur Fun Radio, Stéphane. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, Stéphane. Surprise! Ouais, surprise! Alors, c'est Mathis qui voulait faire un défi à la radio, c'est le défi Fallait pas demander. Ouais. Il devait poser une question que jamais de sa vie il aurait osé poser. Heureusement, je pense. Pour gagner une tablette tactile. Mathis! Ouais? On te la donne ta tablette, bravo! Ouais, merci! Merci, c'est cool, merci pour moi. moi j'en reviens aussi. Stéphane, nous tous les soirs on fait une émission qui s'appelle Love in Fun avec Doc et tout. En fait, tous les auditeurs qui viennent, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent ici dans cette émission. Et c'est vrai que on s'est aperçu que quand on pose ces mêmes questions à ses parents, tout de suite c'est le bordel. Grave. Tout de suite ça clash. Ouais. C'est clair, c'est le bordel, j'avoue. Franchement, ça... à présent, c'est flippant, quoi. Ah tu m'étonnes. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ta gentillesse, Stéphane. C'était vraiment cool de t'avoir. Merci. Y a pas de problème. Et Mathis, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Ouais, je peux faire une dédicace?

Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking hold on me. Drake sur Fun Radio, c'était One Dance. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs, Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. À la radio, sur internet, les portables, tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. On est là tous les soirs du dimanche au jeudi, hein, pendant 2h, 20h, 22h. Vous pouvez poser ici toutes les questions que vous voulez au standard 01 42 48 5000. On est avec Fatih. Fatih, oui. 20 ans de Lyon, qui veut poser une question un petit peu étrange. Oui, oui c'est étrange, oui, effectivement, mais c'est une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce que ça fait si un homme prend une pilule contraceptive? Alors, c'est très bien, il s'agit d'œstrogène et de progestérone, parfois microprogestatif, peu importe, ce sont des hormones qui sont chez la femme, sécrétées naturellement, et qui augmentent notamment, par exemple, pendant la grossesse, raison pour laquelle il ne peut pas y avoir d'ovulation. C'est sur cette constatation qu'on a fait ça pour les femmes. Donc, ça bloque l'ovulation chez l'homme. Aucun effet particulier. Si, si, si, on gonfle et on explose. Non, mais pas sur une prise accidentelle, pas sur une petit prise à petit, ponctuelle. On gonfle. Mais bon, c'est un peu ridicule d'aller prendre ça, parce que d'abord, ça ne va pas agir du tout sur la spermatogénèse. Il l'a pris, il est en train de gonfler. Il se transforme. Mais non, je ne l'ai pas pris. C'est sous le contrôle de la testostérone, donc il n'y a pas de testostérone dans la pilule. Donc non, la pilule contraceptive, ça peut agir sur le cholestérol, les choses comme ça, mais peu importe. À vous Fatih, t'en as pris une comme ça pour essayer? Non, jamais. Je suis pas parti aussi loin. Alors, c'est arrivé, je veux dire que ça arrive régulièrement, les enfants piquent, bouffent la pilule de leur mère. Ah ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de conséquences. Mais d'accord. Bien sûr, ouais. Les enfants, ils trouvent un truc, ils bouffent la pilule de la maman, qui est sur la table de nuit, évidemment. Donc, ça reste mieux que des produits ménagers, bien sûr. Oui, c'est un peu mieux, oui. Alors, planquez-les bien, hein, quand même. Hein. Salut, Fatih. Salut, est-ce que je peux passer une petite dédicace? Ouais, vas-y. Je voulais passer une petite dédicace à Benjamin et à Maxence. Ouais. Et ainsi qu'à toute la team BAC 01. D'accord, qui bouffent tous des pilules contraceptives. Salut les gars. Oui, de temps en temps, ça nous arrive. Ah ouais, d'accord, ok. Salut Fatih. Salut Fatih. Allez, bisous. Ciao bisous à toi. Raphaël est avec nous, 19 ans de Lyon. Bonsoir Raphaël. Salut Raphaël. Salut Karel, salut l'équipe. Salut. Raphaël, t'appelles pourquoi? Je voulais savoir du coup, pourquoi après l'amour, on a souvent envie de fumer, pour les fumeurs du moins. Ah ouais, c'est vrai ça, putain. Une bonne petite clope après l'amour. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon ça. C'est comme quand on mange. Dépendance. Ouais, c'est vrai. Il y a des moments après la cigarette, genre comme dit Alice, une fois qu'on a mangé, on a envie de cloper. Mais c'est ça, parce qu'on est rassasié, comme après l'amour. Après un café. Ah, c'est ça. Moi, je pense qu'après l'amour, la tendresse qui a lieu après l'amour, quand on aime pas, on s'en fout, on va fumer une clope. Oh, l'autre, il est en mode lover, câlins, catoches après avoir fait l'amour. Bah, certainement, ça c'est sûr. Mais bien sûr, Doc. Non, mais attends, t'as pas envie de te lever pour fumer. Bon, le mec qui vient de tirer son coup, qui vient de jouer, qui se lève pour aller fumer une clope, c'est qu'il se fait chier. Mais tu te lèves pas, tu fumes dans le lit. Oh. C'est pas vrai. Du tout. Parce que toi, tu fumes après l'amour. Mais ça m'est arrivé, mais bien sûr, Doc. Ça 3 minutes après. Mais non, mais c'est pas ça, mais ouais, ça m'est arrivé, ouais, bien sûr. Pas tout le temps, mais ça m'est arrivé. C'est naze. Tu prends une petite. Mais tu as jamais brûlé avec ta cigarette? Putain, mais que dalle. Genre, on fume ensemble, quoi, tu vois, on s'en fout, quoi. Hein, sans déconner, une petite clope, quoi. Non, mais pourquoi? Mais écoute, voilà, c'est tout. Parce que t'as pas fumé depuis un certain temps. On se fait des soufflettes! Et quand on se sent détendu, on associe ça, la cigarette est associée à la détente. Pourquoi pas, oui. C'est un moment de détente pour un commun autre qui prolonge le moment de détente après l'orgasme. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'en foutre de la fille ou quoi que ce soit. Bah oui, voilà, je suis d'accord. Attends, c'est tombé, c'est ça. Je sais pas, moi, ça fait 8 mois que je suis avec ma nana, je suis amoureux et tout ça. Ça m'empêche pas qu'après de. Il va lancer la story, le mec. Comme pas possible, quoi. T'as envie de fumer, mais juste après l'orgasme. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu disais, c'est juste après le repas, c'est comme si on en parlait tout à l'heure avec ma copine, elle me disait, du coup, tu me compares à un repas, quoi. Je dis, bah, allez, quoi. Bah, écoute, je pense que sa réflexion est intelligente. Je suis d'accord avec elle. Ouais, mais non, mais. Elle te l'a dit. Mais bon, ça veut pas dire qu'en gros, je m'en bats les couilles ou quoi. C'est juste que, ouais, je sais pas, c'est. Dans l'envie de fumer, c'est comme après un repas, quoi. C'est genre, on le fait. Et... Bah oui, non, mais faut repas, paquet, tu ouais. Tu la compares pas à un repas, mais c'est non. Juste que c'est mais le pas moment. Pas du tout, quoi. Mais loin de là. Mais bah, loin c'est, de là. C'est juste ce que t'as fait. Hein. Mais non bah, il lui a dit, il lui a dit. Pas d'accord, on fume après un moment fort, entre guillemets, tu voilà, vois, après c'est un ça, truc. Un moment partagé, on est essoufflé. C'est comme quand on vient de courir un petit 10 km, bah, derrière on se fait une bonne petite clope. C'est con, mais c'est vrai que c'est con. Vrai que ça donne envie. C'est excessivement con. Mais ça veut tout simplement dire que... Vite, une clope, j'en veux plus. Ça veut tout simplement dire que vous êtes des gros addicts. Voilà, c'est tout, c'est pas grave. Il faut en prendre conscience. C'est la première étape pour s'arrêter de fumer. Il faut prendre conscience. Mais ça m'empêche pas de rester un peu avec elle après non plus. Hein. Je suis pas non plus à ce point-là. Mais j'ai juste l'envie, quoi. Raphaël, raccroche vite parce que Doc va te dire dans 2 minutes que tu vas mourir du tabac bientôt. Hein ouais, c'est sûr. On verra. Ça peut venir vite. Hein. D'ailleurs, T'as une vilaine toux, attention Raphaël. Non, non mais je suis malade, ah ouais, d'accord. Bon bah prends soin de toi Raphaël, salut, merci d'avoir appelé. Ouais, continue, vous êtes super. Hein. Salut à toi. Et dis donc, je suis en train de regarder quelque chose, donc je sais pas si tu t'es aperçu, mais on dirait que Cécile a un rancard ce soir. Eh ouais. Hein, je l'ai vu se pomponner là. Se pomponne, il paraît que c'est un mec. Ah putain. J'ai son âge et sa profession. Cécile, attends, toute l'année on s'est battu, on a cru que t'allais même finir avec Ryan au standard. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment là? Eh ben excuse-moi, j'ai enfin eu un match sur Tinder, j'ai entretenu la flamme et voilà, j'ai un rancard. Au revoir. Au Enfin, okay. On va voir demain quand même. Ah bah, on va pas s'emballer, donc t'as raison. T'imagines, il vient pas le mec. On va pas s'emballer. On a déjà eu des déceptions. Elle m'a quand même dit qu'elle ne coucherait pas le premier soir. Oui, excuse-moi d'avoir une dignité. Elle s'améliore. Oh, attends. À d'autres. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, c'est parce que je suis pas épilée, sinon la dignité, j'en ai pas. Bon, c'est bien pour pas coucher le premier soir. Ça, c'est pas une mauvaise technique. Ouais. Épile pas comme ça, tu y vas pas. Bon, ouais, enfin, on te souhaite bonne chance en tout cas pour ce soir. On est de tout cœur avec toi, Cécile. Lucas, t'es là. Salut, oui, Lucas. Je suis là. Salut, Lucas. T'as 20 ans, t'es à Nice. Bonsoir, salut. Lucas. Oui. Tu nous appelles pourquoi? Alors, en fait, j'ai rencontré un ami en fait par des potes à moi. Oui. En fait, donc lui, il a 21 ans, il est dans le Tibre. Il s'appelle Julien. Et en fait, on a commencé à se rapprocher. Enfin, surtout lui qui se jetait un peu sur moi et tout. On a eu des moments un peu, on va dire, intimes. On a après... Oh Lucas, fais plus court, mon poteau. Tu veux savoir comment revenir avec un mec qui a changé de bord, c'est ça? Voilà, c'est ça, qui se refoule entièrement. Quoi, okay. Bah, tu vas nous raconter toute l'histoire dans un instant. Ah, oui. T'es sorti avec un mec, et du coup, il a changé, il est avec des filles maintenant. Tu veux essayer de le faire revenir? On va écouter Alesso, là, maintenant. I Wanna Know sur Fun Radio. Alesso, I Wanna Know sur Fun Radio. Loving Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. On va se faire une petite lecture de messages là, c'est parti oui. Là, qui sont arrivés là sur les réseaux sociaux. Un message de Charlotte, pourquoi j'ai pas mes règles tous les mois? Ça c'est tout à fait, les cycles irréguliers, et surtout au début des menstruations, c'est tout à fait normal. Si ça ne dépasse pas 4-6 mois, c'est bon. Enfin, voilà. Mais après, il faut aussi un suivi gynécologique, médical, pour faire le point. Moi, je suis réglé comme du papier à musique. Hop, tous les premiers du mois. Et ça gicle, et ça gicle. Pardon, pardon. Et un autre message. Il parle de quoi? De ses branlettes ou quoi? Non, on ne sait pas, c'est ça qui est drôle. C'est côté mystérieux. Ah, j'enseigne du nez. Ah, d'accord. Et un message de Simon. Comment on sait qu'on est vraiment amoureux? Tu l'as su comment avec Katoche, toi, Doc? Ah, bah attends. Ah ouais, les gens commencent à se poser la question. Il a bandé direct, le mec. Je sais pas ce que j'ai une grosse érection. Tu peux le dire en deux mots sans dévoiler de secret. Tu veux? Bah oui. Bah vas-y, Doc. Ah, vous êtes chiant. Bah écoute, c'est la question de Simon. Hein. Allez, vas-y, Doc, lâche-toi, vas-y. Non, mais je l'ai vu beaucoup, beaucoup de fois avant. Ah ouais? Ouais. Je pars pas comme ça. J'en réfléchis. La fleur au fusil? Non, pas comme ça. Non. Et comment tu l'as su? Je sais pas, quand tu parles avec les gens, quand t'es avec eux, il y a un moment donné, il y a la flamme qui s'allume, c'est aussi simple que ça. Quand elle n'était pas là, elle te manquait. Ah, putain. Et tu lui as envoyé des petits cœurs? Non. Pas tout de suite, mais après, oui. Et la flamme s'est bien dressée, si j'ai bien compris. Tout se dresse, oui. Oui. Merci, Alice. La flamme est bien allumée. On a Lucas. Lucas, 20 ans oui. De Nice, t'es là, Lucas? Oui, je suis là. Salut, Lucas. Bon, alors, Lucas. Ça m'a l'air une histoire rocambolesque que tu vas nous raconter. Ça commence avec un ami, c'est ça, avec qui tu couches? C'est pas vraiment au début. Nous avions une relation un peu particulière. Ouais. Et après, il y a eu des rapprochements, donc on a couché ensemble deux fois. Avec un mec, et ok. Là, voilà, donc je suis gay. Et là, du jour au lendemain, plus de nouvelles, et disons qu'il est très jaloux. Et voilà, et apparemment, il est très jaloux, quoi. Attends. Ben, disons qu'en clair, quand c'est moi qui veux plus le voir, il vient, il fait des petites conneries chez moi, il m'emmerde, quoi. D'accord, mais il est avec une fille en ce moment? Non. Apparemment, il me dit oui, mais en fait, non. Bon. Non, elle est compliquée, ton histoire. Ouais. Bon, alors, donc, on a compris que tu avais une relation qui n'est pas simple. Mais tout à l'heure, tu nous as quand même dit qu'il disait qu'il était avec une copine. Ça veut dire quoi, ça? Ben, en fait, il ment. Voilà, en clair. Attends, tu te fais pas un film non plus? Non. Est-ce que tu continues à coucher avec lui de temps en temps? Non. Non plus. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux qu'il revienne vers toi ou tu? Parce que je croyais que tu voulais savoir comment est-ce que quelqu'un qui est homosexuel et qui devient hétérosexuel peut revenir vers toi en fait. Oui. Bah disons qu'il a jamais eu de relation avec des filles aussi. Et t'as vérifié? T'étais derrière lui? Oui. De la police? Ouais. Oh, mais tu veux qu'on l'appelle ou pas là? Non, je préfère pas, non. Mais non. C'est dommage, Lucas, parce que c'est comme ça que va avancer. Nous, on s'appelle pas Madame Soleil. Hein. Ah non. Madame Soleil, c'était une voyante à l'époque. Bah, écoute, je crois que déjà, à mon avis, ta relation est relativement compliquée. Plus tu vas lui mettre la pression, pire ça va être. Alors voilà, s'il veut venir te voir, il vient te voir. Mais après, tu ne cèdes pas à des pressions. Genre, il vient te voir pour se défouler ou quelque chose comme ça. Tu lui demandes une mise au point. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Ouais. Tu le connais depuis combien de temps? Ça fait 6 ans, en fait. Ah non, ça tu le connaissais à 14 ans, quoi? Ouais, à peu près, ouais. Et vous avez eu beaucoup... La dernière relation, elle date de quand, sexuelle? C'est il y a à peu près septembre, octobre, à peu près. Ah, ça fait quand même un bail. Bah ouais. Ça fait 9 mois. Et parfois, ouais. Lucas, faut arrêter de s'accrocher, hein. Je dis ça pour tout le monde. Tu t'accroches et tu perds ton temps, en fait. T'as pas de relation sexuelle avec lui depuis 9 mois, mais tu l'as quand même vu? Non. Oui, on s'est vu pour la Saint-Valentin. Et tu t'as pas couché avec lui, là? Là, actuellement, non. Mais oui. À Saint-Valentin, tu ne l'as pas embrassé? Vous n'avez pas fait de câlin? Non, il y avait son collègue avec lui. Ouais. Oui, donc tu l'as vu par hasard. Il ne t'a pas donné un rendez-vous privé. Lucas, tu peux ouvrir les yeux, s'il te plaît? Open your eyes. Ouais. Comme the close. Bah, oui, si tu veux. Si tu veux continuer. Chanson, hein. Ah oui, non, mais moi je chantais pas Imani là, Doc. Je te traduisais en anglais parce qu'on on nous écoute à l'international. Continue. Bien sûr. Lucas, je pense que t'es un peu aveugle. Tu es très amoureux de ce mec ou si tu veux gagner dans l'histoire? Qu'est-ce que tu veux exactement? Non, je suis très attaché à lui. Il faut pas être attaché. Attaché à une branche morte. Je parle d'amour. Si le mec n'a pas de sentiments pour toi, s'il n'a pas d'attirance pour toi. Quel est l'intérêt de t'accrocher comme ça? Tu te fais du mal, c'est Lucas. Mais ouais, je sais. I know. Arrête. Mais après, je lui ai demandé ce qu'il ressentait pour moi. Il m'a dit, je sais pas. I don't know. Tu sais ce que ça veut dire? What do you mean? Tu sais, quand tu réponds ça, c'est, j'en ai rien à faire de toi. Fuck oui. Fuck oui. Lucas, ouvre les yeux. Open your eyes. Voilà, voilà, Lucas. Mais ça, dis, pendant ces 9 mois, tu t'es fait d'autres mecs juste pour te défouler? Non, pas du tout. Non, ah, t'es tellement amoureux. C'est dommage, mais bon, quelquefois, on s'accroche. Après, j'essaie de rencontrer, mais ça ne marche pas. C'est normal. Il faut faire le deuil de cette relation. Il faut qu'une fois pour toutes. Fait un an qu'il cherche. Une fois pour toutes, que tu comprennes que cette relation avec ce mec n'est pas possible. Et tu t'accroches. Ouais. Alors, parfois, on est dans des situations complètement stupides. On va s'accrocher à une chimère comme ça. Ça n'existe pas. La chimère. Tu comprends ça? Ouais. Hein? Ok? Ok, Lucas? Ok. Allez. Bye bye. Tu te dis, c'est fini. Tu t'endors le soir, tu te dis, c'est fini. Le matin, tu te réveilles, c'est fini. Finish. Ah. What? Ok. D'accord, ça va. Ok, d'accord. Lucas. Par contre, c'est possible de passer une dédicace, d'avoir un petit cadeau. Bien sûr, on t'écoute, mon poteau, Lucas. Alors, c'est tout simple pour les attentats d'Orlando. Bah oui, carrément. On est de tout cœur avec toi. Bien sûr, hein, une tragédie aux États-Unis. Salut à toi, Lucas. Merci. Salut. Bisous, bisous. Et Dylan est avec nous. Dylan est avec nous, il a 15 ans de Rouen. Bonsoir Dylan. Salut Dylan. Salut. Ça va? Salut. Ça va? Eh, dis donc Dylan, tu nous appelles pour poser une question aux meufs, toi? Oui. Ce que veulent les filles? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon poteau? Si les filles aimaient bien les taches de rousseur. Ok, les mecs avec les taches de rousseur, quoi. Oui. D'accord, bah tu bouges pas. Ouais, un carrément. Peu blond, un peu roux. Ouais. Allez-y, dites-nous s'il y a des petits défauts comme ça, ou pas du tout d'ailleurs. C'est pas du tout un défaut d'avoir des taches de rousseur. Non, voilà. C'est mignon. Ça peut être très mignon. Beauté aussi. Bon, c'est un peu plus chiant quand t'as plein de boutons sur la gueule. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas beau. 01 42 48 5000. Vous nous appelez les filles pour réagir. Et voici The Chainsmokers. Don't let me down. Chainsmokers sur Fun Radio. À quoi pense-t-elle? Love in Fun et Girls.fr vous disent tout. Ce que veulent les filles dans Love in Fun sur Fun Radio. On va parler des petits détails physiques. C'est vrai, ouais. Qu'ils peuvent te rendre beau ou plus ou moins beau selon certaines personnes, bien sûr. Hein, la beauté, voilà, pour... Il y a surtout des détails physiques, et c'est le cas de Dylan, je suis certain, bah oui. Qui ne sont pas des défauts, mais qui sont vécus par celui qui est porteur comme des défauts, voire même des défauts pour eux rédhibitoires. Dylan, t'es là? Oui. Salut bon. Dylan. Toi, tu veux demander quoi aux filles, toi? Si les filles aiment bien les taches de rousseur. Tu en as donc? Oui. Voilà, et tu penses quoi? Bah, est-ce que tu as honte? Est-ce que ça te gêne? Est-ce que tu penses que les filles ont un mauvais avis là-dessus? Qu'est-ce que... Bah, je sais pas, les filles, à chaque fois, elles me disent que je suis moche et tout. Écoutez, moche. Oui, mais les filles, des fois... hein. Elles sont connes. Voilà, merci Alice. Non, mais c'est vrai, c'est juste que t'es pas tombé sur la bonne nana, quoi. Parce que c'est pas des taches de rousseur qui vont changer la donne. Ah non, ça... En fait, Dylan, des détails physiques comme ça, voilà, on en a plein. Ce sont pas des défauts, Dylan. Je sais pas, j'ai jamais. Des caractéristiques, c'est pas pareil. J'ai jamais rencontré une nana qui m'a dit putain, j'aime pas trop ta grande beauté. Ou, mais c'est une excuse, c'est l'excuse facile. Alors, à mon avis, c'est qu'il y avait autre chose. C'est lié à la peau claire. En général, les roux, parfois les blonds un peu moins, mais les roux, et qui ont des taches de rousseur. Voilà, et c'est pas considéré comme un défaut, en tout cas. Chloé est avec nous. Bonsoir, Chloé. Salut toute l'équipe, ça va? Ça va bien, Chloé. T'es en Bretagne, à Lorient? Oui, tout à fait. Alors, tu as entendu Dylan, toi, il y a des petits détails physiques comme ça qui sont rédhibitoires pour toi? Non, pas vraiment. Après, quand il y en a trop, c'est vrai que c'est pas top. Des taches de rousseur? Ouais, voilà. D'accord. Quand il y en a trop, c'est un peu moyen, mais sinon, ça va. Enfin, bon. Je suis désolé, mais quand vous rencontrez quelqu'un, bon, d'accord, tu regardes pas ses taches de rousseur, quoi. Tu peux avoir un détail physique qui va, dans un premier temps, te déplaire. Bon. Après, quand même, quand on fait une rencontre, on fait pas une rencontre sur un détail physique, sur un gros nez, des gros jambes, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est l'individu dans sa globalité. Il parle, il s'exprime, il a une façon d'être, une façon d'agir. C'est ça qui compte dans une relation. C'est pas tant tel ou tel détail physique. Dylan. Attends, Dylan, tu n'es pas que des taches de rousseur. Hein. Tu es D'accord. plus que ça, Dylan. Tu es Dylan. Mais dis-le, je suis Dylan. Dis-le. Je suis Dylan. Et je suis plus que des taches de rousseur. Je suis plus que des taches de rousseur. Et les filles, si vous m'entendez. Vas-y, Et les filles, si vous m'entendez. Et que vous n'aimez pas les taches de rousseur. Si vous n'aimez pas les taches de rousseur. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Voilà, tu vois. Faut être à l'aise avec ton corps, Dylan. C'est tout. Alors, à 15 ans, c'est normal que tu ne sois pas trop. C'est normal que tu aies cette espèce d'appréhension, cette timidité. Sauf que c'est le serpent qui se mord la queue. Plus tu appréhendes, plus tu dégages de ta personnalité quelque chose qui est enfermé, qui ne donne pas envie d'aller vers toi. C'est important la confiance en soi, Dylan, hein, je te jure. Hein, ça s'acquiert avec le temps, rassure-toi. Bien sûr, tu vas prendre confiance. Et souvent, il suffit justement de plaire à une fille. Et là, tu te dis, bah, ouais, je peux plaire, quoi. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, je suis beau. Je suis beau, un narcissique, c'est pas mal. Bien sûr, et Dylan, tu vas en trouver des filles, avec ou sans tache de rousseur, hein, t'inquiète pas. Hein. D'accord. Ça te rassure un petit peu, Dylan, ou pas? Oui. Tu vas faire quoi cet été? Tu vas partir en camping avec les potes ou pas? Non. T'es encore avec les parents? Oui. Ouais, j'arrive chez ma grand-mère. Ah ouais, bon bah ça va. Elle est où la grand-mère? Oh la grand-mère, elle s'endort tôt. Elle est dans le nord. Ah, tu vas en vacances dans le nord? Ouais. Eh ben oui. On accueille Paul. Paul qui est avec nous. Salut Paul. Salut Paul. Ouais, salut. Salut Paul. T'es où là? T'es sur la route? Exactement. Pourquoi on m'entend pas bien? Si, mais. Très très bien. J'ai un détecteur de route dans la tête. Je sais quand quelqu'un est sur la route. T'es dans ton camion? Non, pas du tout. Je suis à petite voiture. Je rentre du. C'est un détecteur des parasites. Hein. Alors vas-y, on t'écoute, Paul. Bah moi, je pense que être petit, c'est handicapant. Petit, c'est handicapant. Tu mesures combien? Quelle est ta taille? De qui? Mais bah, oh putain, le discours. Dylan, écoute, en fait, Paul nous a appelé, mais Paul, je sais pas ce qu'il a, il est peut-être drogué ce soir. Paul, tu es petit, tu fais quelle taille? Ah bah voilà, nous avons donc perdu Paul. Il ose peut-être pas le dire. Il est peut-être dans le monde des Lilliputiens. Il est peut-être parti. Non, Paul, t'es là? Bon, il a coupé, Paul. Il est parti. Paul, en tout cas, il est petit, mais bon, ouais. Petit, oui, c'est sûr, c'est... Voilà, il y a quelqu'un qui est très connu, qui est académicien, qui est tout petit. Oui, bien sûr. Il dit, quelle est la différence avec les grands? 5 jours de plus. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non mais voilà, il faut s'en sortir avec de l'humour. Voilà, il faut faire sortir quelque chose de vous, peut-être mettre un peu plus de temps... Pour séduire, pourquoi pas, mais voilà, pas rester sur un détail physique et bloqué. Exactement, et la personnalité, c'est bien plus que ça. Dylan, je compte sur toi. Oui. Cet été, la grand-mère... Non, j'allais dire une connerie. C'est... Elle est bizarre, cette phrase. J'allais dire une connerie. Cet été, la grand-mère... La grand-mère, tu t'en débarrasses, hein. Et hop, tu sors, c'est, mon pote. C'est où dans le nord? Vers Beuvry-la-Forêt. Ah oui. D'accord, et bah... Cet été, il débarque, Dylan, du côté de l'Inforêt. Salut Dylan. Salut Dylan, à bientôt. Salut mon pote. Dans un instant, on sera avec Quentin de Charleville-Mézières, il a 27 ans. Bonsoir Quentin. Salut Quentin. Bonsoir. Bonsoir ça Quentin. Bah ça va pas mal, t'appelles pourquoi Quentin? Bah j'appelle en fait pour avoir des détails pour envisager une opération, une sleeve. Une opération de? De sleeve. Ah, c'est de fécondation in vitro. Ah voilà, non, c'est pas la perte de poids? Non. Ah oui, c'est la perte de poids. Ah oui, c'est ça. Le mec de Danse avec les stars, c'est ce qu'il a fait, je crois. Ouais. Ah non. Oui. Ah oui, si, c'est ça. C'est ça. Quelle opération de fille. Laurent Ournac qui a fait ça, bah d'ailleurs, Camping Paradis. Je te jure, des fois, je vois des redifs de Camping Paradis. Je comprends plus rien des épisodes. Un jour, il est super gros, hein, et le lendemain, il est hyper maigre. On va en parler, et c'est une opération assez hallucinante, hein, quand même. On l'a vu, d'ailleurs, avec lui. On peut perdre énormément de poids, et on sera aussi avec Jonathan. Alors, sa copine mouille beaucoup, et ça le bloque. On va en parler dans un instant. Il y en a qui ont beaucoup de chance, ils s'en rendent pas compte, hein, putain. On écoutera Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Dans 3 minutes, on est de retour. Restez avec nous, c'est Lovin' Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Lovin' Fun. En gros, le coup de foudre va avec une impression de déjà-vu, comme si vous connaissiez déjà la personne. Ça t'est jamais arrivé, Marion, toi-même, amicalement parlant? Si, avec toi, Babber. Oh, toi, t'es mon Babber. C'est mais... moi, les filles. Non, bah non. Amir, quand on l'a vu, on était plus sur un coup de flip, tu vois. Allez, ne soyez pas impatients, on débarque à 22h. Oui, soyez là, car je vous veux, auditeur de Fun Radio. Marion et Anso, 22h minuit. Night Show. Sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Come on! Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun Radio. More music now. Le son dance floor. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. In. Du sexe et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et tous les soirs, on fait une émission différente. C'est vous qui la faites en venant ici sur Fun Radio au standard 01 42 48 5000 pour venir poser toutes les questions que vous voulez. D'ailleurs, on est avec Quentin. Il a 27 ans de Charleville-Mézières. On va parler de quoi avec toi, Quentin? Salut. Salut. Ça serait pour l'opération du Neslive. Neslive. Donc, faut quand même dire de quoi il s'agit. Ouais. Il s'agit donc pour la chirurgie de l'obésité, quelque chose qui est extrêmement répandu. Ça doit être la gastroplastie. On agit sur le tube digestif. Le bypass que tout le monde connaît, qui est le mini-bypass gastrique, avec des indications différentes. La seule différence, c'est que le sleeve gastrectomie, c'est définitif. C'est-à-dire, c'est quoi? On enlève une grosse partie de l'estomac, ouais. Ce qui fait qu'effectivement, on a tout de suite plus envie de manger, plus de se nourrir, donc on va se nourrir effectivement de façon très... Mais genre, on mange un yaourt et ça y est, on a bouffé pour 10, quoi. Quasiment, c'est la méthode la plus récente, quasiment, enfin, sauf le... bypass partiel. Le bypass, c'est quoi? C'est comme un anneau qui va en serrer. Qui resserre ton estomac, en fait. Qui resserre l'estomac, exactement. Il peut être modulable, il peut être gonflable ou dégonflable, ça c'est celui qui est le moins efficace. C'est pas dangereux comme opération? Alors, il y a toujours un danger, ça se fait toujours par endoscopie. Ça veut dire qu'on n'ouvre pas le ventre, on met quelque chose on fait passer un tuyau dans la paroi abdominale et on va agir directement sur l'estomac. C'est-à-dire que l'opération, c'est pas une grosse intervention. Voilà. Ça fait 10 ans à peu près, 12 ans, 12 ans le sleeve. Tu fais quel poids, Quentin? 115 kilos. 115, pour quelle taille? Pour 1m65. Je crois pas qu'avec un petit peu de sport, tu peux t'en sortir. T'as un IMC à combien? 40 ou plus? 43,9. Alors, exactement. C'est à l'indication du sleeve, c'est un IMC supérieur à 40. Ah ouais, donc il peut le faire. Tout à fait. Voilà, moi j'avais vu avec mon chirurgien, en fait, parce que j'ai déjà commencé à faire des démarches. Et donc j'ai déjà fait pas mal de régimes, je suis en obésité depuis que je suis assez jeune quand même. Et donc là, c'est pour ça que j'envisage la sleeve, puisque j'ai pris divers régimes qui n'ont pas marché, bien au contraire, j'ai pris plus que ce que j'ai perdu. Ouais. Et donc là, à l'heure actuelle, j'envisage vraiment l'opération. Parce que c'est important ce qu'il dit, parce qu'en fait, on oublie que l'obésité, c'est pas uniquement des gens qui mangent beaucoup, c'est une véritable maladie, une maladie pathologique et neurologique, qui fait que des gens, même avec des quantités de calories absolument minimes, peuvent devenir extrêmement gros, avec plus ou moins de bonheur. Et qu'effectivement, on voit augmenter le nombre d'obésité, mais pas depuis 10 ans, parce que dans le monde, on voit ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de famine, quasiment. Les gens, en tout cas, mangent peut-être mal, mais ont suffisamment de calories. Et donc, c'est pour ça que l'obésité semble avoir augmenté. Mais dans la réalité, il y a un chiffre qui est probablement stable. Il n'est pas obèse qui veut. En tout cas, les résultats sont incroyables. On parlait de Laurent Rounac, c'est ce qu'il a fait justement. Enfin, on a tous vu le résultat à la télé, quoi. Le mec, il est méconnaissable, quoi. C'est dingue. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux perdre combien de kilos? 60, 70 kilos? Facile. Ben, moi, en fait, il m'a 60%. Dit que dès que je serai opéré, j'arriverai. Enfin, au bout d'un an après, je serai aux environs de 65 kilos. Ah, parce que la perte de poids moyen au bout d'un an est de 60%. Putain, c'est énorme. C'est ça. Et perte moyenne au bout de 5 ans, 70. Mais je veux dire, il y en a plein qui, enfin voilà, comme tu l'as dit, Doc, qui ont cette maladie, l'obésité, et je sais pas, c'est gratuit, c'est remboursé. La Sécu aujourd'hui, elle demande à ce qu'il y ait un IMC de plus de 40. Ah bah c'est normal. C'est normal. Du cholestérol ou du diabète. Une maladie ou un diabète. Tout à fait, oui. Il faut un dossier. En fait, c'est bien sûr. Après, il faut une entente, ce qu'on appelle une entente préalable. Mmh. Et bien sûr, c'est pris en charge. L'obésité, c'est quand même une pathologie assez pénible. D'accord. Outre l'aspect physique, bien évidemment, risque d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques et autres. Après, il faut accepter de vivre, justement, toute sa vie en mangeant plus que de très petites quantités, quoi. Mais comme t'en souffres pas, c'est pas un problème. Le problème de l'alimentation, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont un petit côté compulsif. Mmh. Voilà. Ouais, après, là, tu nous as dit qu'avec deux yaourts, t'avais plus faim. C'est chaud quand même. Quand vous voyez, par exemple, aux États-Unis, des obésités absolument monstrueuses, sans jeu de mots, c'est des gens qui ont déjà tendance à grossir, mais qui en plus se nourrissent énormément. Mmh. Et là, on arrive à des chiffres absolument très, très, très inquiétants, avec des impossibilités quasiment de se déplacer, tellement l'obésité est énorme. C'est le cas de dire. Ils en font quoi après de la graisse? Non, c'est non, c'est même pas une liposuccion en fait. Non, ils la perdent. Ah, ils la perdent directement. Oui, mais la peau justement, elle doit pondre à un moment donné. Alors, parfois, il peut y avoir effectivement, on peut retendre la peau. Dans certains cas, les opérations qui permettent de retendre tout ça. Toi, tu voulais savoir Quentin si c'était risqué de le faire, comme toute opération, il y a un risque, mais pas plus qu'une autre en fait, hein, Doc. Il y a des complications qui sont rares, très rares. Quelques petites hémorragies et fistules, mais pas graves. Oh, c'est pas très grave. Vous avez une hémorragie interne. Non, mais en revanche, tout va bien, monsieur. Ce que je veux dire, il faut pas vous allez mourir, mais ça va. C'est pas parce que vous avez une restriction d'alimentation qu'il ne faut pas faire attention à votre alimentation. Notamment, il peut y avoir des carences vitaminiques, donc un suivi diététique. Aussi, on mange pas n'importe quoi. Quentin, on t'encourage de toute façon à le faire. Tu te sentiras très très mieux, très très bien dans ta peau, quoi. Oui, mais c'est pour ça que là, je veux le faire, puisque j'arrive à un stade où je suis pas bien dans ma peau. Eh ben, t'as raison. Voilà, t'as raison, Quentin. On te souhaite bon courage, en tout cas. Salut. Merci beaucoup. Je t'en prie, Quentin. Salut à toi. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao. Et merci de nous écouter tous les soirs. Jonathan est avec nous, 25 ans de Colmar. Bonsoir, Jonathan. Salut, Jonathan. Bonsoir, toute l'équipe. Ah, c'est Jonathan qui a un très, très gros problème. Hein, Jonathan? C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est avec un extraterrestre ce soir. Jonathan, on t'entend très très mal. C'est ta copine qui mouille, c'est ça? Ben, je suis collé au téléphone. D'accord, et ben t'as un téléphone bien pourrave, mon pote. Ta copine mouille et ça te bloque. On va en parler après. Mike Posner sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs, 20h-22h. Toujours là, Jonathan, tu restes avec nous, hein? Ouais, pas de soucis. On va t'envoyer un téléphone tout de suite, là. C'est parti. On y va, on court. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. What's Mike Posner sur Fun Radio avec Tuka Pelini Visa. 01 42 48 5000. Appelez Doc et Carré. 20h, 22h. Radio. Je suis un peu essoufflé, je viens de m'envoyer un téléphone à Jonathan. Jonathan, tu es là? Oui, je suis là. Ah, réveille-toi, c'est bien, ça marche, tu t'es réveillé un peu. Moi, je vais filer mon portable. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors vas-y, Jonathan, t'écoute. Donc en fait, j'aimerais faire une fellation à ma copine. Une fellation, ah, oui. Tu fais des pipes à ta meuf, toi. Donc t'es avec un mec? Non. Ah, ça s'appelle un cunnilingus. Ouais, avec cunnilingus, la langue, en quelque sorte, oui. Vas-y, c'est pas grave. Pas de problème. Et en fait, le problème, c'est que ça mouille sans énormément. Ah bah oui, hein, c'est... Et c'est un signe d'excitation. C'est ça qui me bloque, en fait. Eh bien, dans ces cas-là, t'en fais pas. Oui, mais j'aimerais vraiment en faire. T'as déjà fait de la plongée? En apnée, c'est ça que tu veux dire? Ah bien sûr. Jonathan, est-ce que tu l'aimes vraiment, ta copine? Ah oui, énormément. Énormément. Alors en fait, bon... C'est un peu la société moderne, les odeurs rebutent, alors qu'en fait, les odeurs corporelles, d'accord. Ça sent quoi exactement? Parce que je m'inquiète un peu... Je ne sais pas, je ne pourrais pas décrire. Ah, ça c'est Kassim, hein, c'est son humour. Et on en a mangé à la cantine en plus. Je vais quand même dire pour toutes celles et tous ceux qui écoutent, c'est que le sexe a une odeur. Et il y a une odeur, le sexe. Et c'est même, chez nos ancêtres lointains, probablement, c'était essentiel pour avoir une relation sexuelle. Oui, non, mais c'est des odeurs excitantes. Voilà, c'était... voilà. Après, il y en a qui n'aiment pas faire des pipes, il y en a qui n'aiment pas faire de cunis aussi. Hein. Enfin, je veux dire... Tout le monde n'aime pas cette pratique. Hein. Alors, en même temps, deuxième chose, Jonathan, oui. Quand tu fais un cunnilingus, tu vas vers le haut, c'est-à-dire tu stimules le clitoris, tu n'es pas obligé d'aller tout en bas. Mm-hmm. Tu n'es pas obligé de mettre ta langue dedans non plus. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Après, tu te lâches les doigts. Oh, dis donc, Doc. Et l'autre, il se lâche des fois, quoi, sans déconner, quoi. Jonathan. À chaque fois, maintenant, qu'il dit des trucs comme ça, j'imagine avec Katoche. Ah, non, mais t'imagines rien du tout. Et non, mais sans déconner, tu vas t'habituer, parce qu'il y a aussi ça qui compte. Voilà, après, c'est pas bon. A priori, c'est pas dramatique. Sauf si elle a une infection, ça, c'est autre chose. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La meilleure nouvelle, Jonathan, c'est qu'elle est excitée quand tu lui fais des choses comme ça. C'est ça qui compte. Ça veut dire que tu lui donnes du plaisir. Mmh. On te laisse là-dessus, Jonathan. Ne sois pas triste, Jonathan, la vie est belle. Ah oui. Tu bats, masque de plongée, hop, c'est parti, mon poteau. Vas-y. À la guerre comme à la guerre. Salut, Jonathan, ciao à toi. Salut, merci beaucoup pour cette soirée qu'on a passée avec vous. Ah, demain, ce sera une soirée spéciale. Oui. Ah oui, match de l'équipe de France demain. Oui, et puis on aura des nouvelles de Cécile. Absolument, Cécile qui exceptionnelle qui de va ce se soir. Faire un petit rencard ce soir avec un mec. Mais un rencard mode love. Ouais. Oh. Et ouais, les filles, vous n'êtes pas au courant? Non. Ce soir, Cécile va pécho. Mais c'est vrai. Ouais, enfin, elle a dit qu'elle ne couchait pas le premier soir. C'est rare mais chez elle. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe dans elle s'est fait le sillon interfécié là. Justement. Qu'est-ce qui se passe là dans votre équipe, Doc avec Katoche, c'est qui va être maqué, putain. C'est l'amour. Attends, tu veux dire Anso, t'es un peu triste parce que t'es seule? Ouais, je vais peut-être changer d'équipe. T'es con, toi. Tu seras bien accueilli si tu sais Anso. Mais c'est qui ce mec, Cécile? Oh, c'est un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Ah, et ça marche pas mal Tinder, croisons mon expérience. Ouais. Il va vouloir te ken, hein. Est-ce que c'est une célébrité? Parce que non, du tout. Elle se fait comme une célébrité. Non, mais arrête, calme-toi. Vous n'êtes pas au courant? Non, pas du tout. Il est sorti? Non, c'est bon. Carré. Le mec faisait la météo et maintenant il fait des vidéos, genre il est complètement bourré avec des artistes. Ah, putain. Je te jure. Monsieur Poulpe, non? Monsieur Poulpe? Ah, Monsieur Poulpe. Ça y est, ça me revient. Monsieur Poulpe. Mais c'est pas possible. Ah, si. Eh ben, on l'embrasse. Elle est consternée, Cécile. Bon, bah, Cécile, quand on recevra Poulpe, on te fait signe. Non, c'est rien. Gros bisous. Bisous. Salut. Après Game of Thrones, découvrez l'adaptation exclusive de Fun Radio. Game of Thrones. Un casting incroyable. Non pas un nain à cicatrices, mais une naine aux dents écartées. Marion Lannister. Celle qui a troqué ses dragons contre deux chaussons licornes féroces. Anso Targaryen. Il vient du nord du royaume. Et ça ne se devine pas. Il est le gardien du mur Facebook. Jon Amir. Il est au service des autres. Quand il parle, tout le monde s'en fout. Mano. Game of Frange sur Fun Radio. The Night Show is coming. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the night show. Marion et Anso. The night show. The night show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Ah ouais. Ça c'est le son de la teuf. Ah oui, bah oui. Alors, c'est pas du tout le son d'une veille de bac, mais c'est le son de la teuf. Bienvenue sur Fun Radio, il est 22h03. C'est Marion et Anne Soul Night Show. C'est un kiff de passer cette soirée avec vous. Bravo. Je sais que pour certains, c'est compliqué. C'est la dernière ligne droite, là, c'est les révisions. On bosse, mais on peut se détendre un petit peu. On est là pour ça, nous aussi. Ouais, et on pense à vous, même le brevet, tout ça. J'ai reçu plein de snaps aujourd'hui de gens qui sont en train de réviser. On vous embrasse. Écoutez le Night Show, ça vous amène la mention, même si ça ne rime pas. Exactement, on va essayer de vous faire passer une bonne soirée ce soir. Comment ça va, petit Anso? Écoute, ça va hyper bien, pleine forme. On a passé hier avec Anso une fin de soirée magique, il faut qu'on vous raconte. Je sais pas si vous la suivez sur Snap, c'est toi qui as snappé. Hein. Ouais, j'ai snappé, ouais. En fait, je l'ai ramené chez elle, Anso, en voiture, et on s'est amusé à draguer juste tous les mecs qu'on trouvait dans la rue. Ouais, c'est ça. Donc en fait, mon Snap, c'est Anso Supio, S-U-P-I-O-T, si vous voulez me suivre. Et en gros, on s'amusait à draguer des mecs, mais comme des grosses beaufs. Ouais. On ouvrait les vitres à fond et on les filmait en disant « Ah, toi, t'es un beurre hein, !»« ouais. Toi, t'es un beurre !»« Comment ça va, le beurre ?» On s'est pris que des vents, c'était lamentable. Qu'est-ce mais qu'on s'est marré. Voilà, on s'est marré, du coup, voilà. Suivez-nous sur Snap, on vous fait partager notre quotidien, quoi. Viens, on recommence ce soir. D'accord, ça veut dire que tu veux que je te ramène. Voilà, c'est ça. J'avais pas prévu, hein, mais bon. Je suis un peu en galère de thunes. Bon, ce soir, en tout cas, dans Night Show, on va bitcher ensemble. Vous savez, on essaie de faire ça un petit peu une fois par semaine avec vous. Alors, si vous êtes un peu agacé par un truc. Alors, franchement, faut vous dire que c'est un truc qui vous rend ronchon. Pas colère, mais ronchon. Qui vous énerve. Voilà, qui vous énerve un petit peu. Appelez-nous la 01 42 48 5000. Et puis, on aura aussi Clémence dans l'émission. Alors, Clémence, je vous explique, elle a besoin d'aide. Pour ça, elle nous a envoyé un mail. Et je préfère la citer. Elle a dit: bonsoir les filles, je ne sais pas comment faire pour être une petite salope au lit. Et bien ça, jeune Clémence, que tu as frappé à la bonne porte. Oh mais non. Mais non. Réputation. Mais non, pas du tout. Mais en tout cas, on va essayer de donner des conseils à Clémence. Et si vous en avez vous aussi, hashtag le Night Show sur les réseaux sociaux, vous nous appelez. Pour le son, on va s'écouter ton mec, Anso Amir. Ouais. Oui. Tu crois qu'il pense encore à moi depuis qu'il est passé dans l'émission? C'est vrai que la dernière fois qu'il est passé dans cette émission, il t'a fait un compliment, il t'a dit que t'étais jolie et drôle. Ça s'est arrêté là, rapport au fait qu'il est marié. Et mais que sa femme était là. Voilà, mais c'était plutôt sympathique. Ouais, c'était gentil. Il y aura aussi Major Lazer ce soir en kiff ce son. Yeah! Tu crois qu'il pense à moi, Major Lazer? Ça s'appelle Boom. Je la sens bien cette soirée, hein. Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Salut les filles, comment ça va? Bah très bien. Eh, moi aussi j'ai fait le con sur mon Snap, d'ailleurs si vous voulez me suivre. Ah, arrêtez de racoler là. Pas possible. Amirovic sur Snapchat. Et qu'est-ce que t'as fait toi? Bah je me suis filmé. Il a rien fait, t'as vu? C'était juste pour placer son blaze. Non, je me suis filmé, j'ai filmé le boss, voilà, c'est pour suivre ma vie quoi. D'accord, tu veux peut-être donner le snap du boss pendant qu'on y est ou c'est bon? Non, ça va, il m'a énervé aujourd'hui, j'étais avec lui ce matin, il m'a pris la tête ce chou. Mais pourquoi? Arrête, il est super notre boss. Mais ouais, il est hyper cool, il est un peu tendu en ce moment, mais il est cool. On l'embrasse. Ah, je rigole, ouais, il est sympa. Et Amir, il fait des efforts en ce moment sur son style vestimentaire, vous avez remarqué ou pas? Quoi, ouais, c'est vrai. Ouais. D'où je fais des efforts parce qu'à la base je suis dégueulasse. C'est-à-dire que je sais pas, t'as changé un truc et je te l'ai dit ce matin, je trouve que tu fais plus attention à toi. Ouais. Je sais pas ce qui t'arrive en fait. Par contre, fais attention à ton look, puis maintenant passe aux sourcils, mec. Tu fais quelque chose. Ouais. Bon, en tout cas, continuez à nous rejoindre là, sur les réseaux sociaux. C'est Amir qui gère Marion et Anso partout. Sachez qu'on a mis une nouvelle vidéo sur la chaîne Marion et Anso Gaming. Ouais. Une vidéo, on a testé un jeu, ça s'appelle Silent Hills. Et franchement. Pardon ? C'est Silent Hill, mais c'est la version Pity. Ouais, c'est la version Pity, ouais. On s'est fait flipper de ouf. C'était génial. C'était horrible. Allez voir, en tout cas, elle est en ligne. J'ai honte. Mano Alaria, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Bah écoutez, ça va bien. Je vois qu'Amir met de plus en plus de chemises, donc je me dis qu'il prend peut-être exemple sur moi. Non, je crois pas. Non, parce que c'est pas du tout le même style. Non, Amir, toi, c'est... il est plutôt chemise en jean, un peu stylé, quoi. Ouais. Et toi, c'est style classique, on va dire. Ouais, toi, c'est dégueu, quoi. Voilà. Tout de suite. Une autre manière de le dire. Bah, c'est ton style, après, on t'accepte comme tu es, Mano, mais on le sait, ouais. Mais c'est de la merde. Bonsoir, Enzo. Salut, les filles. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il est très, très triste. Pourquoi? Bah, en fait, mon stylo, il a fui, du coup, mon putain de polo raflo, et il est complètement mort. Ah, mes écouteurs, ils sont morts, mon iPhone, il est mort, mes poches sont remplies d'encre. Ah ouais. Mais et... tu sais que ça c'est... Non mais franchement, en plus, sans vanne, ça c'est un truc qui m'arrivait tout le temps au collège ou au lycée. Je mâchouillais tout le temps les stylos dans le mauvais sens. Anecdote de merde. Les gars, alors appelez-nous si vous avez une anecdote sur les stylos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même vous dire qu'on fait de la radio. Il y a des gens qui écoutent derrière leur poste, là en voiture, tout ça. Mais attends, mais c'est arrivé à personne. Attends, je mets au défi de, qu'un auditeur de Fun n'ait jamais mangé son stylo en s'étant mis de l'encre plein la bouche. Moi. Mais si, bien sûr, mais on s'en fout. Mais oui, tout le monde en a fait. Pas important. Excuse-nous, quoi. Relou, celle-là. Enzo, tu sais quoi, on va aller parler de nos stylos tout à l'heure. Présente-nous le premier auditeur de la soirée. Alors, c'est Cyril, il a 19 ans, il habite à Paris. Il était passé dans l'émission parce qu'il passait un week-end avec sa meuf, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Ah oui, il cherchait des activités, non? Voilà, c'est ça. Ok. Ah oui, il avait jamais couché avec sa meuf, c'est ça? Ouais, c'était leur premier week-end et il savait pas trop quoi faire pour combler le temps, quoi. Oh, j'adore quand on a des nouvelles des gens. Bonsoir, Cyril. Salut Marion, salut Enzo. Alors, Cyril, comment ça s'est passé ce petit week-end? Alors, attends, juste avant, Marion, je veux juste donner mon anecdote de merde par rapport au stylo. Vas-y. C'est quand j'ai coupé et je mettais ma cartouche dans le stylo plume et que j'en avais plein les mains et qu'après je m'en suis mis sur la bouche. Je te le balance pas parce que j'ai du respect pour toi, mais, mais moi je compatis, Cyril. Je l'ai pensé très fort. Vas-y, mon Cyril, raconte-nous ton week-end. Alors, en fait, ça s'est super bien passé. Je pensais qu'elle allait plutôt être en mode relou, comme à chaque fois qu'on se voit, genre au bahut et tout. Et en fait, pas du tout. Elle était plutôt en mode lâchée, tu vois, un peu coquine le soir. Mm-hmm. Des activités, on a trouvé, mais de ouf, quoi. Genre, elle m'a invité, genre, on a été dans un parc d'attractions, enfin, un parc d'attractions, tu vois, bah, le Futuroscope, clairement. Tout à fait pareil, mais bon. Johnny, je tourne autour du pot, mais je vais le dire quand même. Ok. Du coup, tu vois, elle a payé le train et tout pour qu'on puisse aller au Futuroscope et tout. Enfin, c'était vraiment en fait un truc de cool. Et cet été, elle m'a proposé de repartir en vacances avec elle. Et puis, maintenant, j'ai été libre et j'ai dit oui, quoi. Non, mais alors, attends, déjà, Cyril, nous, on veut savoir si tu as fait l'amour avec elle quand même, parce que c'était la question. Oui, oui, bah, comme je t'ai dit, elle était en mode bien coquine le soir et voilà, quoi. Mais attends, mais elle essaie de t'acheter cette meuf, non? Ouais.